Amis auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, la radio libre, locale, mais libre surtout, si, libre, et libre depuis 41 ans, et ce soir vous êtes à l'écoute donc du calendrier des esclavages et des libérations, calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, eh bien, Charlotte le Duc 49.3 défense des intérêts des riches. Hein. Ensuite, inflation, récession, crise financière par Jean-Luc Mélenchon. Rothschild Gate. Où sont les millions de Macron? Rothschild Gate. Où sont les millions de Macron? Clément Viktorovitch. Qatar 2022. Le double discours de la France. Le double discours de la France. Les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini. Une émission de Arte. De temps en temps, il y a des émissions intéressantes sur Arte, hein. Oui. La 5, et puis la chaîne parlementaire. Voilà les trois chaînes qui ont le plus souvent des émissions intéressantes. Mais bon, faut tomber dessus. Bonjour, la bonne heure. La bêtise après a pris le pouvoir, hein, comprendre le cerveau de nos élites, hein, comprendre le cerveau de nos élites, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et puis bon, une petite revue de presse, et voilà, ce sera tout pour ce soir. le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 26 décembre? Eh bien, le 26 décembre 1825, par exemple, en Russie, le nouveau tsar Alexandre Ier prête serment à l'appel d'officiers révolutionnaires. 3000 soldats se rassemblent sur la place du Sénat, aujourd'hui la place des décembristes, mais sans soutien populaire, leur mouvement est voué à l'échec. Sans soutien populaire, leur mouvement est voué à l'échec. Tiens, c'est une leçon qu'il faut qu'on retienne, ça. 1859, Japon. Naissance de Katayama Sen. Dit dans le département de... dans le département de Koyama. Il deviendra un dirigeant de la première heure du mouvement ouvrier et révolutionnaire, un pionnier du socialisme, le fondateur du Parti communiste japonais et un leader du communisme international. 1859. 1904, Russie. Grève des pétroliers de Bakou. La première convention collective du pays est signée. Première convention collective en 1904. Russie encore, 1919. Un décret sur le développement éducatif et culturel met fin aux 80% d'analphabétisme du temps des tsars. 80% d'analphabétisme du temps des tsars. Il n'y a pas d'autres pays qui étaient... Non, non. 1936, Maroc. Le journal du Parti communiste Clarté lance une campagne pour les libertés démocratiques élémentaires du peuple marocain. 1968, Philippines. Fondation de nouveaux partis communistes de tendance marxiste, léniniste, maoïste. En 1968, aux Philippines. 1978, Turquie. Suite à de graves affrontements, l'état de siège est proclamé pour 2 mois. Il se prolongera pendant 2 années et servira de prétexte à une répression terrible. 1981, Pologne. Un ancien confident du général Jaruzelski affirme que les préparations du coup d'État ont commencé dès février 1981. Thank you. Nous avons Madame Charlotte Leduc pour le groupe de la France Insoumise. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, Que dire quand c'est la 9e fois en 8 semaines que ce gouvernement bafoue la légitimité de l'Assemblée nationale à coup de 49-3 ? Que dire quand l'esprit même de la Constitution de la 5e République, que nous, insoumis, ne portons pourtant pas dans notre cœur, est à ce point détourné ? Car rappelons-le, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a été pensé pour discipliner une majorité présidentielle. Mais puisque vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas de majorité, vous vous en servez pour bâillonner les oppositions. Elle paraît bien loin la promesse du compromis. Que dire lorsque l'on voit déjà pointer à l'horizon un 10e 49-3 dans les jours à venir ? À 10 49-3, le 11e est offert. On a l'impression d'ouvrir un à un les petits volets d'un calendrier de l'Avent, avec pour cadeau ultime le 49-3 en or, celui qui fera passer en force la réforme des retraites dont personne ne veut et dont nous n'avons pas besoin. Si ce n'est pour payer votre politique de cadeau aux plus riches et d'austérité pour les autres. Alors que dire en cet instant où me revient la tâche de me lever à mon tour après 8 autres de mes camarades pour proclamer une 9e fois devant les représentants de la nation que nous refusons fermement votre mépris des institutions démocratiques du pays ? Que dire ? Oui, eh bien, il me semble important de rappeler que tout ceci n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans une partie de ping-pong. Non, nous ne sommes pas dans une joute qui mérite qu'on en rie comme vous le faites à mesure que vous égrenez les 49-3. Nos motions de censure sont notre défense à nous parlementaires que vous piétinez et elles reposent sur des contestations de fond. Car le budget que vous souhaitez faire définitivement adopter sans débat et sans vote, car c'est de ça dont il s'agit ce soir, ce budget aura des conséquences concrètes sur des millions de nos compatriotes. Oui, ce budget austéritaire, et notamment la partie dépenses qui nous intéresse aujourd'hui, se traduira par un approfondissement de la précarité, de la pauvreté et de l'exclusion pour tant de Françaises et de Français. Mais vous vous réjouissez de ne pas avoir augmenté les impôts des Françaises et des Français, mais c'est pour mieux masquer votre refus de taxer les super-profits réalisés par les profiteurs de crise. Et pendant ce temps-là, l'inflation fait augmenter la TVA, impôt injuste et dégressif qui étrangle les plus modestes. Vous vous félicitez de vos chèques carburants et autres petites aumônes temporaires et mal ciblées. Pourtant, ces aides ponctuelles ne permettent pas de protéger le pouvoir de vivre des citoyennes et des citoyens, mais représentent une subvention bien réelle pour Total et d'autres multinationales accros aux aides publiques. Vous vous congratulez pour le maintien du bouclier tarifaire, mais ce n'est plus qu'un bouclier en carton, puisque votre budget prévoit l'augmentation de 15% des tarifs du gaz et de l'électricité dès les premiers mois de l'année 2023. Cela n'a d'ailleurs rien d'un hasard ou d'une contingence. C'est la conséquence directe de l'ineptie de vos choix stratégiques et des contradictions qu'ils contiennent. Par cette politique de mesurettes subventionnées, vous avez voulu atténuer un peu les conséquences de l'inflation pour vous prémunir contre l'explosion sociale qui guette. Sans doute, l'expérience des Gilets jaunes est-elle encore fraîche dans vos mémoires et vous fait craindre la puissance du peuple mobilisé. D'un autre côté, vous tenez dogmatiquement à obéir aux injonctions européennes sur l'équilibre budgétaire. Et c'est là qu'apparaît la contradiction ultime qui conduit à votre fuite en avant. Pour respecter les dogmes budgétaires que vous nous imposez, il vous faudrait mettre un terme à votre politique de subvention permanente face à l'inflation. Vous êtes donc dans l'impasse. Vous le savez et vous vous y enfermez et vous nous y enfermez avec ce budget inconséquent. Pourtant, des solutions alternatives existaient. Si vous aviez bloqué les prix et taxé les super-profits, vous n'auriez pas eu à choisir entre le respect des 3% de déficit et la protection des Françaises et des Français face à l'inflation. Mais bon, il faut bien reconnaître reconnaître un mérite, celui de la constance. Vous choisissez toujours le camp du dogmatisme néolibéral et la défense des intérêts des plus riches et des grandes multinationales face à l'intérêt général. Finalement, ce budget est un condensé de ce qui se fait de pire en termes de néolibéralisme. La suppression de la CVAE n'est qu'un énième cadeau fait aux grandes entreprises. Et pas un petit cadeau, car ce sont 8 milliards de manques à gagner pour les 2 années qui viennent. Les restrictions budgétaires ou les augmentations de crédits inférieures à l'inflation, ce qui revient au même, doivent ensuite permettre de combler les trous engendrés par votre générosité en direction des plus aisés. Dans la société que vous dessinez pour nos compatriotes, les services publics sont abandonnés, les plus modestes sont appauvris, laissés sans protection face à l'inflation, tandis que les entreprises se gavent de subventions publiques, de baisses d'impôts et de cotisations pour pouvoir continuer à distribuer de plantureux dividendes aux actionnaires. Dans cette société, la puissance étatique se met entièrement au service des capitalistes, qui d'ailleurs ne pourraient continuer leur folle accumulation de fortunes démesurées sans cet appui résolu. À celles et ceux qui pensent que je noircis le tableau, je rappelle que les aides publiques à destination des entreprises représentent 157 milliards par an, ce qui en fait tout simplement le premier poste du budget de l'État, comme l'a montré le rapport de l'Institut de recherche économique et sociale paru en octobre dernier. Voilà donc le projet de société que vous imposez aux Françaises et aux Français avec vos 49.3 à répétition. Et pendant ce temps-là, toutes les propositions en faveur de la justice sociale, écologique et fiscale passent à la trappe. Où sont passés les 400 millions que nous réclamions pour les associations et les banques alimentaires pour faire face à la multiplication des situations d'extrême pauvreté dans notre pays ? Où sont passés les moyens attendus pour lutter contre l'évasion fiscale qui représente 100 milliards chaque année et abîme le contrat social dans notre pays ? Où sont passés les 3 milliards pour le développement du train, les 12 milliards pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments, pourtant votés par cette Assemblée il y a quelques semaines de cela? Ces millions et ces milliards ont disparu, à coup de baguette magique 49.3. Il n'y a pas d'argent magique, disait Emmanuel Macron à une soignante qui déplorait le manque de moyens à l'hôpital pendant la pandémie. En effet, votre tour de magie préféré, c'est plutôt de faire disparaître que de faire apparaître. Du moins, quand il s'agit des moyens à financer pour faire tourner nos services publics. Parce que faire apparaître par magie, avec votre baguette magique du 49.3, vous savez aussi le faire en réalité. Car vous avez fait apparaître par magie des amendements dont personne n'a pu discuter, ni en commission, ni en séance. Et oui, car voilà que l'on découvre dans le texte qui nous est désormais soumis un amendement prévoyant de faire payer aux travailleurs et aux travailleuses une partie des formations financées par leur compte personnel de formation. Cette mesure ne figurait dans aucune version précédente du budget 2023, si bien que ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni même les commissions des finances de ces deux chambres n'ont pu débattre de cette proposition. Mais attention aux abus, quand le trucage est trop visible, la magie s'envole, même dans vos rangs, car oui, ça grince jusque dans vos rangs. De même, quand les sénateurs disent non à la suppression de la CVAE, vous rétablissez cette suppression par amendement. Quand ils indexent les dotations globales de fonctionnement des communes sur l'inflation, vous supprimez cette indexation dans la dernière version du budget. Bref, vous ne cessez de piétiner les oppositions. Les chiffres sont là, implacables. Sur 178 amendements retenus pour les deux parties du projet de loi de finances, tous viennent du gouvernement, du rapporteur général ou de députés de votre camp. Pas un seul amendement de l'opposition n'a trouvé grâce à vos yeux. C'est donc une démocratie sans représentation du peuple que vous nous proposez. Un régime où le gouvernement a les mains libres pour mettre en place les pires régressions sociales en toute impunité. Ce monde du libéralisme autoritaire, votre monde, nous n'en voulons pas et nous continuerons à le proclamer haut et fort à cette tribune et partout dans le pays. Madame la Première ministre, dimanche dernier, dans votre discours appelant à rejeter notre motion de censure, vous nous promettiez une nouvelle méthode de dialogue avec le Parlement. À la fin, on se retrouve avec un 9e 49.3. C'est donc ça votre nouvelle méthode, un rap de 49.3. Dimanche dernier, vous reprochiez également à mon groupe de multiplier les motions de censure et donc de nous faire perdre du temps de débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous rappeler que ces motions de censure ne sont que des réponses à votre utilisation frénétique et compulsive de l'article 49.3 de la Constitution. L'œuf, la poule sur l'œuf, pour paraphraser mon collègue Brotherson. Bref, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler une métaphore que vous comprendrez aisément. Arrêtez les 49.3 à répétition et nous arrêterons les motions de censure systématiques. Si vous voulez que cette Assemblée ait le temps de débattre, il suffit de la laisser faire et de laisser votre gouvernement en dehors de tout ça. Le 49.3 n'est pas et ne sera jamais un outil démocratique. Votre généralisation de son usage n'y changera rien. Vous n'arriverez jamais à rendre banal à nos yeux et à ceux des Françaises et des Français vos entorses répétées à la démocratie. C'est donc pour protester une nouvelle fois face à votre passage en force que nous proposons une nouvelle fois de censurer votre gouvernement minoritaire. Par cet acte, nous disons non à votre monde d'inégalité et d'irresponsabilité climatique. Nous disons non à votre libéralisme autoritaire et à la casse de nos services publics. Nous disons non à votre usage irraisonné d'outils antidémocratiques comme le 49.3. Nous disons non à votre budget austéritaire qui va accentuer la précarité et la pauvreté des plus fragiles. Mais cette motion de censure, c'est aussi un acte en positif. Par elle, nous disons notre confiance dans le peuple souverain, notre confiance dans ses choix. Si ce gouvernement venait à tomber et si des élections législatives étaient organisées dans la foulée, alors nous serions prêts, avec nos partenaires de la NUPES, à affronter le suffrage universel et à gouverner le pays. Nous n'avons pas peur de la sentence du peuple souverain. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à voter cette motion de censure à nos côtés. Je vous remercie. À

car je n'ai toujours pas entendu l'explication de l'inflation actuelle, même si de nombreux points ont été, je pense, désignés, et on a compris ce qu'on nous disait. On a bien vu où ça se déréglait. On ne va pas dire non plus que nos intellectuels dans ce domaine soient en entier tâtonnement. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que la science économique n'intègre jamais les rapports de force politique. Elle fait comme s'il s'agissait d'acteurs individuels intervenant et négociant un équilibre final. L'équilibre occupe une place dans votre pensée, je ne vous dis pas vous, hein, dans votre pensée économiste dominant, que je trouve assez fascinante. C'est comme si on disait « la zoologie consiste à l'étude des éléphants ». Oui, mais et les autres animaux ? Eh bien, on n'en sait rien. On ne sait pas, c'est l'équilibre. Or, ce qui paraît, pour un politique en tout cas, le plus important et le plus décisif, c'est que nous avons à gérer, nous, les fluctuations autour de l'équilibre. C'est-à-dire quand les salaires se mettent à baisser trop, quand les prix se mettent à augmenter trop, quand un compartiment s'effondre tandis que l'autre se modifie, quand on est heureux d'apprendre que les prix des billets d'avion sont stables, mais si le loyer des locataires explose, la conséquence n'est pas exactement la même sur le fonctionnement de la société. C'est-à-dire la mise à leur place de chacune des fonctions sociales que remplissent l'économie. Tout ça pour dire que les rapports de force ne peuvent pas, et j'ai entendu Cédric en parler avec, on ne s'étonnera pas que je me rapproche de son point de vue, mais tout de même, si vous n'incluez pas le rôle que joue l'existence d'une sphère financière complètement boursouflée, que l'on met sur le même plan que n'importe quel autre aspect que l'économie réelle productive, et je m'expliquerai en un mot sur ce mot, eh bien tout de même dans quel monde vivons-nous ? Car l'existence de cette masse monétaire fausse absolument tous les fonctionnements, puisqu'il s'y réalise des taux de profit qui sont impensables dans la production. Et donc, il constitue la première attractivité pour l'accumulation du capital. Or, cette masse ne résulte pas de l'échange naturel. Elle résulte du fait qu'un jour, le 15 août 1971, les États-Unis d'Amérique ont décidé que les dollars seraient imprimés autant qu'ils voudraient et qu'ils n'avaient aucune contrepartie matérielle. Et comme on a dit, bah quand même, ça fait beaucoup comme liberté qui vous est donnée de vous financer sur le reste du monde, alors on a eu les accords du Plaza en 1974 qui décident qu'une monnaie s'évalue par rapport à l'autre. Au revoir, messieurs, dames, nous fermons. Où est la valeur réelle là-dedans ? Eh bien, on espère que l'équilibre finisse par s'établir et que la main invisible du marché établisse cet équilibre. Pour ma part, je le dis bon comme ça parce qu'il ne faut pas être trop long, mais ça m'apparaît de la pure métaphysique et pas de la physique, et pas une analyse qui part des rapports réels. Si on n'introduit pas les rapports de force, il me semble qu'on ne peut pas comprendre l'économie. J'en fais toujours en béotien, si j'ose dire, et extérieur. Je me souviens d'une remarque qu'avait fait le président Lula à propos de l'agriculture et plus spécialement des vaches. Et Lula, qui a de l'humour, disait « Vous autres Européens, vous donnez à manger à vos vaches des farines animales. Et il apparaît que maintenant, vos vaches deviennent folles. » Alors, ça le faisait rire. Et puis il disait « Nous, nous pratiquons une agriculture absolument archaïque. Les vaches mangent de l'herbe chez nous. Mais du coup, on a l'impression qu'en ce moment, le rapport de force pour en vendre est meilleur pour nous que pour vous. » Eh bien, de la même manière, on peut penser que le premier devoir d'une économie, ça sera de satisfaire les besoins réels et pas d'attendre le retour à une masse d'équilibre sur des indicateurs. Je sais que c'est un peu caricatural de le dire comme ça, parce qu'après tout, les indicateurs ne font que donner la température de l'organisme. Mais tout de même, je demande qu'on y réfléchisse, parce que sinon, ce qu'on se dit a peu de sens. Alors, le premier poste de l'agriculture, c'est l'international. Ah bon ? Je pensais que le premier poste de l'agriculture, ça devrait être l'agriculture vivrière, ce que nous mangeons. Et bien précisément ce que nous mangeons, à 80%, nous l'importons. Quelle est la rationalité d'un tel système ? Et surtout, en quoi nous soustrayons-nous à la décision des autres quand on s'aperçoit qu'une récolte peut être, avant même d'avoir été semée, achetée et vendue 24 fois ? Par conséquent, ça signifie que nous nous mettons dans la main des fameux marchés qui agissent pour des motifs invisibles que chacun connaît et qui, à la fin, devraient nous garantir je ne sais quel équilibre. Or, c'est tout autre chose qui se passe. Alors, voilà ce que je voulais dire, juste pour faire mettre un petit sourire à la fin de nos doctes réflexions. Mais j'ai entendu toutes les questions qui ont été posées, aussi bien par vous, madame, que par Monsieur Édouard Leclerc tout à l'heure, qui a, sur la concurrence, dit des choses qui nous intéressent, parce que nous sommes dans une phase de grande reconstruction. Les libéraux gesticulent encore, mais ils savent bien que leur temps est passé. Quand Monsieur Éric Le Boucher, qui a été l'idéologue en chef dans la presse, du libéralisme dit dans un éditorial du journal Les Échos. Bon, on a compris, l'État revient. Mais c'est quoi la pensée post-libérale? On voit qu'il se trouve dans une situation similaire à celle que j'ai pu connaître dans ma propre famille politique, quand après 1981, il apparaissait que le socialisme ne surgissait pas de l'application du programme commun, et que pour ce qui existait de socialisme dit réel, le résultat n'était pas tout à fait à la hauteur de nos attentes, et c'était même, à maints égards, exactement le contraire de ce qu'on espérait. Donc nous sommes entrés dans une crise, et nous en sommes sortis, avec l'idée que nous n'étions pas capables de tracer des finalités à l'histoire. Nous étions capables de déployer des moyens et des objectifs. Plus exactement, d'avoir des objectifs, quels besoins doivent être satisfaits et quels moyens on déploie par rapport à ça. Et j'ai pu dire du programme L'Avenir en commun qu'il était un programme de transition entre une société telle que nous la connaissons aujourd'hui et une autre, mais je n'étais pas capable de dire laquelle. Une société de planification écologique, une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, ce qui excluait les dominations et le saccage. Tout ça est maintenant sur la table. Les libéraux doivent aussi reformuler. Ils ne peuvent plus espérer nous faire croire que tout d'un coup se mettrait à marcher quelque chose qui n'a marché d'aucune manière pendant 30 ans et qui maintenant nous plonge dans une crise dont on ne voit pas le bout. Ce dont, pour ma part, je suis persuadé, ça peut présenter de l'intérêt de savoir ce que des responsables politiques pensent de la situation, c'est que j'ai la certitude, il y a eu d'autres certitudes exprimées ici, à mon tour de dire la mienne, j'ai la certitude que penser qu'on va vaincre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt c'est à la limite de la magie. On me dit, c'est pour envoyer un signal au marché. On rigole. Les marchés, quel signal on va envoyer ? Le seul qu'on connaît, c'est que ça va ralentir l'activité, et c'est même pas un secret. Le président, le directeur, je sais pas comment on dit, de la Banque Centrale Américaine a dit qu'il voulait la récession, qu'il voulait une augmentation du chômage, parce que c'est de cette manière-là qu'ils arriveraient à contrôler le décollage des prix. Donc c'est clair. Nous avons donc pour l'année 2023 et l'année 2024, d'un côté ce que vous nous dites tous, nous ne voyons pas le rythme de l'augmentation des prix ralentir, peut-être ralentira-t-elle, mais ce sera quand même une progression, primo. Et secundo, donc une inflation qui va durer, plusieurs ont dit ici, ça va durer, on pense qu'il y en a pour plusieurs années. Donc inflation pour plusieurs années. Deuxio, en augmentant les taux d'intérêt, il est clair que ça va ralentir l'activité économique. Ou alors, vraiment, j'ai rien compris à ce qu'on m'a appris à l'école sur le sujet, mais normalement, ça devrait le ralentir. Bien. On pourrait avoir des doutes, parce que quand on a injecté beaucoup d'argent, c'était pour permettre à l'économie de redécoller. Rien de tout ça ne s'est produit. Il s'est juste produit que la masse de cet argent donné aux banques privées est partie dans la sphère financière. Si bien que, contrairement aux théories des monétaristes, il ne s'est produit aucune inflation pendant la période où on injectait beaucoup de liquidités sans aucune contrepartie matérielle. Il y avait quand même de quoi rester bouche bée devant ce résultat. Ça a duré un an et demi. J'ai pas lu un texte sur le sujet. Comment se fait-il qu'en injectant 85 milliards d'euros qui n'existent pas tous les mois dans le circuit des banques privées, l'équivalent d'une année au total, je crois, de production de notre pays, tous les ans, il y ait zéro inflation. Même pas un petit frémissement. C'est l'inverse. Ça reculait. Donc, si la théorie s'est trouvée complètement invalidée dans ce cas-là, c'est bien parce que la sphère financière joue un rôle qui n'est pas négligeable sur le total. En attendant, un, inflation, deux, la sphère financière ne dégonflera pas et elle continuera à donner le tempo parce que l'économie croisse ou décroisse ou s'arrête, de toute façon, dans la sphère financière, on peut empiler. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est vous, Cédric, ou bien vous, vous l'avez dit, le risque d'une crise financière par explosion de la bulle, il est toujours là. Et quand les États-Unis d'Amérique mettent en place, en plus du reste, des barrières douanières, ils vont aussi provoquer un ralentissement de l'économie et peut-être la rupture de certaines chaînes d'approvisionnement. Or, tout ça se tient, étant été globalisé. Donc, nous n'échappons pas à ce risque-là. Et enfin, j'ajoute, ça c'est un risque. Tout à l'heure, c'était une certitude, la vôtre, la continuité de l'inflation. Et le troisième élément, c'est la récession, parce que tout est organisé pour le provoquer. Ça fait donc beaucoup, tout ça pour 2023-2024. Il est peu probable que, d'une manière générale, à ce qu'on voit, les peuples acceptent de se faire dévaliser au quotidien de 5, 6, 10% que représente l'inflation, parce qu'à juste titre, dans les notes que vous avez publiées à l'Institut, vous insistez sur la question à qui profite cette affaire. Et là, vous avez raison d'écrire que l'inflation est un rapport de force sociale. À la fin, quelqu'un l'amortit, le choc. Et pour, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sont les salariés, les gens qui vivent d'un revenu salarial, puisque c'est... Alors, vous avez dit, madame, je crois que c'est ça aussi, on doit le prendre en compte, il y a toutes sortes de revenus notamment pour les secteurs les plus fragiles économiquement, qui sont déjà indexés, et on doit l'intégrer dans notre réflexion. Mais on ne peut pas imaginer non plus que l'équilibre de la société tout entière, sa productivité, sa relation au monde, soit uniquement basée sur le fait qu'il y a un appui qui est donné aux plus fragiles. Moi, ce n'est pas l'idée que je m'en fais. Je suis partisan de la solidarité, mais bon, autant ménager ses forces, hein, en toutes circonstances. Pas au détriment de ceux qui ont besoin de cette solidarité. Mais il faut que tout ça se remette à tourner. Qu'est-ce qui peut d'autre le faire tourner que la bifurcation du modèle économique ? L'entrée dans la planification écologique, des objectifs qu'on poursuit et pour lesquels on se donne des moyens. Mais nous autres Français avons jamais nous fait autrement que comme ça, dans l'histoire récente. Je ne parle pas pour les autres peuples, je ne connais pas assez bien leur culture et leur génie national. Ça n'a pas été le cas des Anglais. C'est pas la planification, leur objectif, ça l'a jamais été. C'est une nation 10 fois plus commerçante que la classe possédante française. Donc, voilà, on est quand même le pays où Colbert a planté des sapins que vous pouvez aller admirer dans la forêt de Joux pour fabriquer les bateaux de la marine nationale. Bon, peut-être est-ce un exemple qui est lui-même exagéré, mais c'est pour dire qu'on ne fait pas non plus de l'économie sans culture de son peuple, sans étudier les rapports de force et en se moquant de l'environnement, sinon pour le citer comme une contrainte. Dernier élément que j'évoque, je terminerai là-dessus, donc récession en vue, inflation, récession, risque de crise financière internationale. Et enfin, pour nous, les Français, d'abord, pour l'Europe, c'est la première victime de l'actuel rapport de force qui est en train de se nouer entre Américains et Chinois. Les perdants sont les Européens. Bon, ça se voit à l'œil nu, non seulement à cause des bêtises qui ont été faites avant dans le cadre de la concurrence libre et non faussée d'heureuse mémoire, hein, mais aussi parce que, dans le choc, les Américains se fichent complètement de savoir si nous sommes d'accord ou pas avec les mesures qu'ils ont prises de protectionnisme, c'est pas leur souci. Mais par contre, si en Europe, pour que ça continue à être en souci, on envisage de faire quelque chose. Bon, en tout cas, dans le rapport de force, l'Europe n'est pas la mieux placée. Quant à la France, le cœur de son génie, c'est ce que les Françaises, les Français sont capables de faire en matière de production. Beaucoup de gens, vus de loin, nous prennent pour le pays qui sait faire des bonnes baguettes, des parfums et du pinard. Oui, nous savons en faire en effet les meilleures baguettes du monde, le meilleur pinard et sans aucun doute les meilleurs parfums. Mais nous sommes d'abord et avant tout une nation technicienne. Et je voudrais rappeler que, par exemple, nous sommes le deuxième pays au monde pour la part que chacun donne à l'industrie spatiale. Alors, c'est en proportion, hein, en proportion des habitants. Mais c'est un exemple extrême, mais on pourrait le prendre dans toute une série de domaines. Or, là aussi, le déclassement est en vue. Pourquoi ? Parce que le système éducatif est en crise, parce que le système de qualification des travailleurs, notamment avec le système de l'enseignement professionnel, a été mis en crise et qu'on compte sur l'apprentissage pour quoi faire ? Pourquoi faire ? Mais on a déjà étudié ce que ça donne dans d'autres économies. Nous, les Français, on entre comme ça, dans la hiérarchie et dans les niveaux de production et dans l'entreprise. Chez les Allemands, on monte comme ça parce qu'il y a une promotion interne. Si vous faites une masse d'apprentis, ça ne marche que si vous faites de la promotion interne. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Vous apprenez à quelqu'un à reproduire les gestes professionnels qu'il a toujours fait. Résultat, quand on passe à la commande numérique, pas de crise chez nous en France, une crise en Allemagne. Voilà encore un facteur qui, à mon avis, est sans doute le plus grave, parce que vous n'en verrez pas la conséquence tout de suite. Or, nous vivons dans une société de l'émotion. Si ça se voit tout de suite, on réagit. Si ça se voit pas, pouf, passé muscade, on passe à la suite. Je dis qu'il se produit une immense déqualification de la force de travail et que c'est cette déqualification qui va peser le plus lourd dans le rapport de force pour la suite. Si nous ne savons pas produire un certain nombre de choses, si nous n'en avons plus les unités de production, nous ne serons plus, alors là, pour le coup, compétitifs en rien du tout, surtout pour une économie qui voulait briller par son ouverture. Bon, pardon, j'espère pas avoir abusé, parce que vous-même, vous avez dû être limité en temps de parole. Moi, j'ai été absolument enchanté de passer ce moment ici. J'ai avoir du mal... comme vous, hein, vous l'avez dit à l'instant, c'est un crève-cœur que ça s'arrête. Hein, parce que, non, mais on entend les arguments avec une crudité, et puis c'est dit, c'est dit pour parler, pour échanger, c'est pas dit pour asséner. Voilà. Merci encore une fois, madame, messieurs, et tous ceux qui ont été là, bien sûr. Bonne soirée. C'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Elles sont 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1200 euros par jour. En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014? Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En fait, il a passé plusieurs années, mais dès la commission Attali, quand il était jeune inspecteur des finances, a essayé de dynamiter l'ISF, il n'a pas réussi. Sous Hollande, il a également essayé de le questionner, et puis finalement, quand il est arrivé au pouvoir, bah, il l'a supprimé. Donc il s'est aussi avantagé lui-même en supprimant l'ISF, en fait. Alors c'est un documentaire coup de poing, une enquête qui fait déjà parler d'elle quelques heures après sa mise en ligne. Un documentaire signé Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Meynier du tout nouveau Média Vidéo qui porte bien son nom, Off Investigation. Le titre de cette belle pièce de journalisme d'enquête, Patrimoine de Macron, où sont passés les millions? Depuis des années, les déclarations d'intérêt et le patrimoine d'Emmanuel Macron suscitent des questions. Et quand on a fini de regarder ce documentaire, l'odeur de la manipulation de chiffres au mieux, de la fraude fiscale au pire, rôde tout autour de nous. Notre président de la République aurait-il menti à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique? On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Rivoire, co-auteur de ce documentaire. Mais regardons d'abord un extrait du documentaire disponible sur la chaîne YouTube et le site internet de Off Investigation. « En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 ? Beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 est peu crédible. Moi, je trouve que n'importe qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, tu te dis, elle est stupéfiante. Logiquement, tu ne peux pas gagner autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. On est dans la campagne présidentielle. Je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque, voilà, nouveautés, ils sont publiés, de mémoire pour la première fois. Voilà, on a un classement assez étonnant, puisque les patrimoines partent de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros. Mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net. Donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre. Mais 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 euros, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies hein, chez Picard là, et Franprix quand même, à tous les jours, ça fait quoi, des 10 gros caddies. Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire, Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler, en off, les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos. Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est incroyable. Il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end. Il les a convaincus le samedi de mettre les 500 millions qui manquaient. Que Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre, et donc ça s'est fait comme ça. L'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits-enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild ? C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Salut Jean-Baptiste et merci d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc le dernier épisode de la série documentaire Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. C'est aussi le plus renversant parce qu'il pose une question de fond. Emmanuel Macron aurait-il donc menti aux Français, au fisc et à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique en affirmant à plusieurs reprises et en déclarant sur l'honneur une fortune sous-évaluée ? C'est ça le sujet de fond, le sujet politique. Ouais, salut Théo. Ouais, il y a plusieurs sujets qui se posent quand on gratte 3-4 mois comme ça sur le patrimoine de Macron. En fait, il y a des histoires plus ou moins connues, d'autres un peu moins. Bon, pour faire court, il a réussi à échapper pendant 7 ans avec Brigitte à l'ISF, donc ils l'ont pas payé. En 2015, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont des biens immobiliers qui fait qu'ils auraient dû le payer. Donc ils sont rattrapés par la patrouille, ils le payent un peu en retard, discretos et tout, on m'a pas vu, bon voilà. Après, quand on fouille également sa déclaration de patrimoine dès 2014, on s'aperçoit qu'en fait, il dit alors je suis pas très riche parce qu'en fait je dois 350 000 euros au Crédit Mutuel, j'ai fait un emprunt. C'est vrai. Sauf qu'il dit aussi, en fait c'était pour prêter de l'argent pour rénover la maison de Brigitte Autouquet. Mais en fait si t'as prêté de l'argent à ta femme, bah elle te doit ce montant. D'ailleurs c'est France 2 dit ma maison hein, dans les extraits qu'on voit oui, dans votre film. Un coup il dit la maison de Brigitte, un coup il dit ma maison, il sait plus très bien. En fait il a pris de l'argent d'après ce qu'il dit au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte. Sauf que du coup Brigitte lui doit 350 à 500 000 euros, donc ça s'appelle une créance. Et en fait dans son patrimoine qu'il déclare aux autorités françaises, il doit dire qu'il a une créance. Donc en fait son patrimoine aurait été trois fois plus élevé que ce qu'il a déclaré, donc déjà c'est quand même un peu énorme. Ensuite bon, il dit qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild, mais il a plus rien en 2014, il a moins d'argent que Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. C'est quand même un truc de fou. Donc tout le monde se demande depuis des années où est passé les sous. Donc Berruyer, blogueur, nous dit bah il a claqué un SMIC par jour, alors que quand tu es à l'Élysée c'est quand même difficile de claquer 1200 euros par jour. Donc il y a énormément d'invraisemblances. T'es un peu disons nourri et blanchi etc. Oui, donc il y a plein d'invraisemblances et surtout à la fin, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait il déclare en 2012 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça peut paraître beaucoup, 720 000 euros, sauf qu'en fait chez Rothschild il est à l'époque déjà depuis un an et demi associé gérant, donc il fait partie des 20 meilleurs banquiers de la banque Rothschild. Il fait des deals, des fusions acquisitions sur des milliards d'euros, et justement en avril 2012, juste avant que Hollande soit élu, il va jouer un rôle complètement clé dans la signature d'un énorme deal, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé, 9 milliards d'euros. Il va non seulement amener le client Nestlé qui est un géant mondial chez Rothschild, donc c'est un exploit, et il va personnellement se déplacer en Suisse dans un moment crucial pour convaincre le patron de Nestlé de mettre 500 millions d'euros en plus sur la table pour rafler Pfizer au nez et à la barbe de Danone. Autrement dit, il a un rôle complètement clé dans ce truc-là, et ça fait des mois qu'on tourne autour en se disant mais comment est-ce qu'il a pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards. L'ensemble des experts sur la place de Paris nous disent c'est totalement invraisemblable, et en fait on a fini par à force de contacter différentes sources dans le milieu des banques d'affaires, quelqu'un qui est connu et qui est assez proche de la banque Rothschild a fini par nous raconter ce que selon lui il s'est passé, c'est qu'en fait dans le système Rothschild une partie seulement des rémunérations est versée en France avec une fiche de paye pour avoir une couverture sociale, une retraite, etc. Mais les associés gérants qui font des deals mondiaux auraient obtenu il y a quelques années, tant chez Rothschild que chez Lazard, qu'une partie de leur rémunération finalement ne soit pas fiscalisée en France. C'est-à-dire qu'elles ont le droit d'être versées ailleurs. Et alors le plus gratiné, c'est que dans le cas de la banque Rothschild, une partie de ces fonds serait versée en fait dans des trusts anonymes. Hein, c'est pas au nom du banquier, comme ça c'est discretos. À l'étranger et vraisemblablement, dans ce qu'on nous dit, dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. Donc là, on est sur un truc assez hallucinant, effectivement, comme tu dis. Alors évidemment, notre source nous dit aussi, vous n'aurez pas de preuves parce que c'est extrêmement bien fait pour que ce soit difficile à prouver, hein, ce qui est logique. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on contacte Bercy, au lieu de nous dire non, c'est pas vrai, ils nous répondent oui, secret fiscal. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et Rothschild, au début, nous dit alors ce que nous on a perçu, ça vous regarde pas. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il y a plus aucune réponse. Donc si sont de bonne foi, pourquoi ils parlent pas à ces gens-là? Et ben parce qu'en fait, a priori, le chef de l'État doit de répondre au peuple, il doit sortir de son silence et évoquer cette question, parce que effectivement, tout le monde sait que c'est extrêmement improbable ce qu'il déclare dans ses déclarations de patrimoine, et donc il doit parler. C'est une question politique et ce n'est pas qu'une question juridique. Alors au commencement, il s'agissait pour vous d'enquêter sur l'activisme assez fou d'Emmanuel Macron contre l'impôt sur la fortune depuis la commission Attali, et quand il était aussi dans le gouvernement Hollande, il a essayé de faire avancer disons des idées pour tuer l'impôt sur la fortune, ce qu'il a réussi à faire en prenant le pouvoir. Et comme avec une pelote de laine, vous avez déroulé, vous êtes arrivé là-dessus. Ce qui est amusant avec l'ISF, c'est que, souviens-toi, quand il annonce qu'il le supprime au moment de son arrivée au pouvoir en 2017, évidemment, il va sortir des tas d'éléments de langage pour dire que c'est dans l'intérêt de l'économie, de l'investissement. Demain, ça sera quasiment dans l'intérêt des pauvres. Hein. Et puis, en fait, quand tu regardes un peu, il a eu un problème perso avec l'ISF parce qu'évidemment, il est concerné, puis il a essayé de ne pas le payer, etc. Donc, en fait, il a passé plusieurs années, mais dès la commission Attali, quand il était jeune inspecteur des finances, a essayé de dynamiter l'ISF. Il n'a pas réussi. Sous Hollande, il a également essayé de le questionner, et puis finalement, quand il est arrivé au pouvoir, il l'a supprimé. Donc il s'est aussi avantagé lui-même en supprimant l'ISF, en fait. Donc ça, c'était rigolo, on est parti là-dessus. On pensait pas trouver autant de choses, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, dès 2014, il a fait des déclarations de patrimoine un peu trop rapidement, en escamotant certains aspects de son patrimoine. Et le problème, c'est que maintenant, il est piégé, parce que tous les 3 ans, il faut qu'il en refasse une. Il peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit il y a 3 ans. Donc là, à mon avis, il sait plus comment s'en sortir, en fait. Je ne sais plus comment s'en sortir. Et quand même, il me vient à l'esprit un mot qu'il avait utilisé pendant la campagne de 2017, insinueriez-vous que je serais duplice? Vraiment, c'est une manière de remplir ces fiches de déclaration d'intérêt qui témoignent d'une certaine forme de duplicité, mais ça c'est mon point de vue. Alors si vous avez pu avancer un peu sur ce mystère, c'est aussi parce que vous avez eu accès à des sources qui évoluent dans le même milieu qu'Emmanuel Macron et qui ont témoigné sous couvert d'anonymat. Alors est-ce que ça n'a pas été trop dur de les faire parler finalement un peu contre leur camp? Alors c'est très compliqué de trouver des témoignages dans le milieu de la banque d'affaires. Hein. C'est des secteurs extrêmement secrets. Comme le dit le mentor d'Emmanuel Macron chez Rothschild, on apprend dans la banque d'affaires à raconter des histoires et un peu à manipuler l'opinion. Enfin non, mais en fait si, quand même un peu à manipuler l'opinion. Donc c'est des gens extrêmement malins, extrêmement brillants. Et le secret de la façon dont ils sont rémunérés est absolument total et opaque, notamment chez Rothschild, qui est une société familiale très confidentielle. Et alors on pourrait se demander, mais comment Rothschild fait depuis autant d'années pour brasser autant d'argent de manière aussi opaque? Et bien en fait, Rothschild, ils ont compris depuis le début qu'il fallait être au cœur de l'État, il fallait être copain avec l'État. Et comme le raconte Marc Endevelde dans le documentaire, en fait, il faut se souvenir que l'ancien président français Georges Pompidou venait de chez Rothschild, qu'Henri Emmanuelli est passé par Rothschild, que Jean-Charles Naouri, dire-cap de Bérégovoy, était passé par chez Rothschild, que Nicolas Bazire, dire-cap de Balladur, François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarko, venait de chez Rothschild. Et donc Emmanuel Macron aussi. Donc en fait, c'est une banque qui est assez habile pour miser sur des jeunes politiques talentueux en se disant ils vont monter, ils vont être nos amis. Et d'ailleurs, un truc très intéressant, c'est que quand Macron se rapproche de Hollande en 2010, il doit être un des très très rares banquiers de chez Rothschild à copiner avec le PS, hein, c'est pas tout à fait leur tendance politique. Et en fait, le patron de la banque, David de Rothschild, se frotte les mains parce qu'il se dit j'ai dans mon écurie un type qui est en train de devenir le meilleur conseiller de Hollande, c'est parfait. Si par hasard le PS passe après Sarko, ben, j'aurai quelqu'un au cœur de l'État. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, ce qui est bien dans votre enquête, c'est que, au-delà de l'individu Macron, elle évoque un mécanisme assez spécial, dont on a parlé, les trusts, ces personnes morales qui permettent de défiscaliser, de se dessaisir très officiellement d'une partie de sa fortune, sans la perdre, et de la retrouver après quand on veut, en allumant une lumière ou bien en appuyant un bouton, de la bonne grosse optimisation fiscale que Bercy, vous le dites, a en quelque sorte validée. Alors c'est là que c'est assez subtil. On peut pas dire que Bercy a dit super, verser les sous dans un paradis fiscal, tout va bien. C'est pas comme ça. C'est plutôt que ces banques d'affaires seraient venues voir Bercy dans les années 2000 en disant est-ce qu'on pourrait fiscaliser en France une partie de la rémunération de nos associés gérants? Et Bercy a dit ah bah oui, au moins une partie pour qu'ils soient quand même protection sociale, retraite officiellement déclarée, etc. Mais Bercy apparemment a dit par contre que d'autres parties des rémunérations soient versées ailleurs, on accepte. Alors Bercy après ils vont dire bah moi je sais pas où ça va et j'ai aucune raison de penser que ça va dans un paradis fiscal. Mais derrière ce qui se serait passé, c'est que Rothschild, ensuite, qui est une banque franco-britannique, l'Angleterre étant quand même assez gratinée paradis fiscal, Rothschild n'aurait pas forcément dit à Bercy ce qu'il faisait des gros montants restants. Et en fait, au lieu de les verser officiellement et de les fiscaliser en Angleterre, apparemment, ils les mettent dans un trust, dans un paradis fiscal, ce qui permet de le mettre à l'abri, pas au nom du banquier, discrètement. Et ce que nous dit notre source, qu'on n'a pas mis dans le film, c'est que je lui dis, mais alors donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Quand il sera plus président, il va aller chercher ses sous et on nous dit, il a probablement un gros paquet d'argent quelque part, il suffira de le récupérer par petits morceaux tous les ans pendant 8 à 10 ans pour que ça passe un peu en dessous des radars. Et oui, il aurait un trésor de guerre quelque part. Et encore une fois, si c'est pas vrai, à un moment donné, ça fait quand même un moment qu'on contacte l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas un conseiller qui vient nous expliquer ce qui s'est passé? Le silence radio total face à une investigation, c'est une stratégie des grandes entreprises, c'est une stratégie des macronistes. C'est pas du tout une stratégie démocratique. Ça pose quand même un énorme problème de liberté d'information. Et on voit là le mépris de ces gens-là pour la liberté de l'info et l'information des citoyens, c'est pas nouveau, c'est pas la première manifestation de cette espèce de tendance, mais c'est gratiné. Quand on leur dit, écoutez les gars, est-ce que le président a de l'argent dans un trust, qu'ils répondent pas, moi je veux dire, en tant que citoyen, c'est pas entendable, quoi. En tout cas, le gentleman agreement dont vous parlez dans votre film, en tout cas celui avec la banque d'affaires Lazare, qui ouvre la voie à celui avec la banque d'affaires Rothschild, est signé en 2005. Alors, j'ai regardé, en 2005, Thierry Breton est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est jusqu'en 2007, et justement en 2007, il quitte le gouvernement, et où est-ce qu'il se retrouve? À Rothschild, il est recruté comme senior advisor à Rothschild. Alors c'est ça qui est le problème, parce qu'on se dit finalement, pour qui il travaillait quand il a rendu possible ce petit arrangement qui, dont les conséquences ne devraient pas aller aussi loin que ce qu'aurait pratiqué un certain nombre de gros bonnets de Rothschild et peut-être Macron, mais on se dit quand même qu'il y a un vrai problème démocratique dans ce pays. C'est un peu le problème. C'est-à-dire quand vous avez des hauts responsables au cœur de l'État qui prennent des décisions qui vont avantager des entreprises privées, puis qui ensuite rejoignent juste des entreprises après. Privées. Non, mais j'avais pas fait gaffe qui était à Bercy, mais t'as raison, c'est un très bon réflexe. Mais je donne juste un autre exemple. Macron est chez Rothschild pendant 4 ans. Rothschild va faire sa fortune. Il va gagner 10 fois plus d'argent dans cette banque que tout ce qu'il a gagné au cœur de l'État. Il arrive à l'Élysée en 2012. Quelle est l'une des premières mesures qu'il fait à la fin de l'année 2012? Il va demander à un cabinet privé une étude sur la possibilité de vendre Alstom. Et le cabinet va dire, ça serait bien de vendre Alstom à General Electric. Qui est la banque conseil de Bouygues qui cherche à vendre ses actions à Alstom? C'est Rothschild. Et Rothschild va abreuver Emmanuel Macron de notes d'analyse en faveur d'une vente d'Alstom. Donc si vous voulez, il était il y a quelques mois sous la coupe de David de Rothschild, son employé au service de David de Rothschild, il passe au cœur de l'État, il va quelque part être destinataire de notes de Rothschild qui vont faciliter la vente d'Alstom. Donc il y a un moment donné, c'est vrai qu'on a un peu envie de dire, attends, les mecs qu'on élit, est-ce qu'ils nous représentent, ils représentent l'intérêt général et défendent les citoyens de ce pays, ou est-ce qu'ils sont en train de faire du business pour le privé? Parce que s'ils veulent faire du business pour le privé, moi, il n'y a aucun problème, mais qu'ils le fassent. Et une fois de plus, ce mot duplicité, c'est-à-dire c'est lui qui l'avait utilisé. Vous insinuerez que je suis duplice. Oui, en fait, c'est une sorte de duplicité structurelle de ces personnes d'abord qui ont fait des grandes écoles de l'État, qui ont fait des écoles publiques de l'État avec la fortune publique, et puis qui naviguent entre les services de l'État et le privé. On ne sait pas. Enfin, on sait que ce n'est pas l'État, c'est pas l'intérêt général qu'ils servent, mais ils servent peut-être un peu plus ces grandes banques d'affaires qui ne les lâchent jamais, même quand ils sont au service de l'État. C'est un peu l'impression qu'on a à la fin de cette enquête. Après, plus fondamentalement, moi, il y a un problème avec ce pouvoir et ce pouvoir exécutif, si tu veux. Pour moi, ils sont dans un viol permanent du contrat républicain. Pourquoi? Parce que le contrat républicain minimum dans ce pays, c'est quand même de dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que oui, il y a un président, il est élu, il a du pouvoir, ok, mais il y a aussi, je veux dire, par exemple, la justice, le Parlement, la presse. La justice, ça fait des années qu'on voit que le parquet est aux ordres du gouvernement. Donc on n'arrête pas d'avoir des procédures judiciaires où on passe notre temps à se demander s'il protège le gouvernement ou pas. Il y a quand même un problème. La justice n'est pas considérée par les instances internationales en France comme une instance indépendante. Il y a quand même un gros souci. Et par ailleurs, elle n'a pas un sou pour faire son boulot. Donc déjà, c'est une justice en France qui est censitaire, parce qu'en gros, quand t'es pauvre, de toute façon, tu peux jamais faire un procès tellement ça coûte cher. Mais en plus, la justice est maintenue dans un état de pauvreté qui fait qu'elle n'arrive pas à faire son boulot. S'il n'y a pas de justice dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, c'est la loi de la jungle, c'est les plus puissants qui écrasent les plus faibles. La justice, elle est là pour éventuellement aider les plus faibles à ne pas se faire écraser. Eh bien, elle n'a pas les moyens de bosser. Le Parlement, c'est un Parlement croupion, parce que tu as un scrutin majoritaire, donc seul le parti majoritaire, en gros, est majoritairement représenté à l'Assemblée. Les petits partis sont très mal représentés au Parlement. Donc, tu as un Parlement croupion qui est là, la doigt sur le pantalon. Et même les partis d'une certaine taille qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle sont pas si bien représentés. Ouais, ils sont très mal représentés au Parlement. Donc, t'as pas. Normalement, le Parlement, ça doit contester l'exécutif, proposer des lois, challenger, poser des questions. Mais là, je veux dire, c'est un Parlement croupion. Et pour ne dire qu'un mot sur la presse, parce qu'évidemment, c'est un peu ma marotte, quoi. Quand tu laisses 5-6 milliardaires prendre le contrôle des 95% des marques d'information françaises, il y a un moment donné, si tu veux, tout ce qui pourrait servir un peu d'alerte au pouvoir exécutif en disant, attendez, là, vous êtes en train de déconner, est étouffé, contrôlé, mis sous contrôle par ces milliardaires qui soutiennent Macron. Et là, ils viennent nous faire une annonce quand même extraordinaire. Le dernier pôle de résistance important qui s'appelle l'audiovisuel public, qui est trop souvent macroniste, mais qui quand même inclut aussi des émissions d'investigation qui parfois posent des questions. Là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je vais faire un second quinquennat et je vais démanteler l'audiovisuel public. Faut quand même être clair. Supprimer la redevance demain matin, c'est pas du tout anodin. Moi, je pense même que c'est assujettir l'audiovisuel public. Il est déjà pas mal assujetti, mais si tu leur dis je vais vous couper la redevance, demain ça veut dire qu'Ernaud est obligé de venir mendier tous les ans, excuse-moi, je peux avoir un peu de budget, enfin comment tu veux qu'elle laisse faire des enquêtes dérangeantes à Élise Lucet ou à Tristan Walex, s'il faut qu'elle aille mendier de l'argent au gouvernement toutes les 5 minutes, c'est invraisemblable. Donc ils sont en train, enfin il est en train de, il annonce qu'il va en gros démanteler l'audiovisuel public, et je veux dire, on va avoir un paysage audiovisuel français qui va basculer totalement à droite et totalement privatisé, et qui est en train de faire ça? Enfin pardon, Macron, Bolloré. C'est une coproduction entre le président et Bolloré qui sont en train de nous pousser les médias très à droite et très privé. Donc là, on est dans un truc qui est complètement fou. Les mecs sont devenus complètement hors sol. Ce qui pourrait servir de lanceur d'alerte, ils sont en train de les étouffer. Et dans leur tête, le pire, c'est que je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la réalité, comme disait David. Ils ne voient même plus la réalité parce que ceux qui seraient éventuellement censés leur dire « Hé, les gars, vous êtes en train de déconner », on les étouffe. Donc les types, dans leur tête, tout va bien. Il y a juste la population qui souffre dans ce pays, quoi. On se dit que les petits commerçants, les petits cafetiers, les petits boulangers, les restaurateurs qui ont vraiment subi la violence du Covid et qui sont redressés pour quelques centaines d'euros non déclarés doivent l'avoir mauvaise quand ils voient comment on peut mettre autant d'argent planquer et comment justement on peut ne pas être obligé de s'expliquer sur les anomalies de nos déclarations alors que eux ils sont très lourdement redressés des fois pour des fois des erreurs en fait. Oui, puis tu sais, il y a une fiscalité en France qui est extrêmement injuste, c'est tout ce qui tombe de la même façon sur la tête d'un smicard ou d'un avocat qui gagne 10 000 balles par mois. Je veux dire, le radar à 135 euros, c'est toujours pareil quoi. Pour l'avocat qui gagne 10 000 balles, c'est pas grave quoi. Pour le mec qui est au SMIC, c'est 10% de son salaire. Pareil pour les PV, pareil pour la redevance, c'est le même prix pour tout le monde. Il y a la TVA, enfin, il y a tout un tas de fiscalité en France qui frappe tout le monde pareil. Alors on peut dire oui, c'est l'égalité. Ben non, en fait, c'est pas l'égalité parce que si tu fais payer la même somme aux pauvres et aux riches, en gros, c'est super violent, quoi. Et c'est super inégal. Moi, je connais quelqu'un qui s'est trompé là dans ses déclarations d'impôts il y a quelques jours. Elle a toujours fait sur le papier. Tout d'un coup, elle le fait en ligne parce qu'on lui a dit qu'il faut le faire en ligne. Elle oublie de cocher j'ai pas la télé. Bon, c'est quelqu'un qui galère, une femme seule avec deux gamins, qui fait des ménages pour arriver à survivre et à nourrir ses mômes. Le mec, le père, il est parti. Il y a pas de pension alimentaire. Je fais court. Elle se trompe de case, d'accord. C'est une franco-algérienne. L'État lui répond, alors, un, vous allez payer la redevance parce que vous êtes trompé de case, et deux, on va vous mettre 150 balles d'amende parce que vous êtes trompé. Donc, elle va raquer près de 300 euros, donc à peu près le quart de son salaire mensuel, parce qu'elle s'est trompée de case. Et je veux dire, le droit à l'erreur de Macron, c'est pipo. Et ceux qui organisent tout ça, en fait, ils signent par derrière, même sans la caution de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, ces petits mécanismes plus ou moins validés par Bercy, ils signent par derrière des trucs pour les arranger, eux. Ouais, puis alors moi, il y a quand même un truc aussi qui me scotche. Enfin, Bercy, c'est une administration publique payée par les impôts, par les contribuables. Ça commence à faire un certain nombre d'années que dès qu'on leur pose des questions, ils te répondent « secret fiscal ». Mais attends, secret de quoi? Je veux dire, on est où? On est dans quel pays là? On est en Roumanie? Ça va pas, non? Secret fiscal, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un moment donné, moi, je suis désolé, s'il y a des arrangements fiscaux pour que les banques d'affaires payent le président à l'étranger, bah, je suis désolé, ça me concerne, quoi. Et il y a un moment donné que Bercy couvre ça. C'est-à-dire, non seulement autorise des versements importants de rémunération défiscalisée, bon, à la limite peut-être, mais au moins faites ça dans la transparence, au moins assumez-le, quoi. Allez pas vous planquer derrière le secret fiscal pour ne pas répondre aux journalistes, c'est insupportable, quoi. Alors, votre enquête a suscité un hashtag, Rothschildgate, qui monte sur les réseaux sociaux à 2h ou 3h du matin, quand je me suis couché, bon, tout le monde va savoir que je me couche très tard, pour vous servir, devenez sociaux. Alors, votre enquête a suscité un hashtag, Rothschildgate, qui monte sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 100 000 tweets à 2h du matin. Mais est-ce qu'elle suscite l'intérêt des médias, cette enquête? Pour l'instant, j'ai vu alors un article de l'UMA, l'Humanité, un article de l'agence de presse turque, en français Anadolu. L'ONG Anticor a également retweeté l'article de l'UMA qui relaie vos révélations. Mais à part ça, je n'ai pas encore vu grand-chose. Je suppose que ça va venir, que vous avez été contacté par les confrères, que vous allez faire beaucoup de médias aujourd'hui. Pas encore. On va voir. Ce qui est intéressant dans le papier de l'UMA, c'est que je trouve que c'est un peu un hasard. En fait, ils préparaient un gros dossier sur l'évasion fiscale. Ils voulaient faire la une, etc. Ils ont dû entendre parler de notre truc. Donc, en catastrophe, pas il y a deux jours, le mec m'appelle. On fait une interview par téléphone. Et il fait un papier. Et l'UMA a une diffusion quand même assez modeste en France. Hein, c'est pas le Figaro, on va dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est une marque d'information, l'UMA, comme d'autres. Hein, je veux dire. Donc, en fait, nous, on n'est pas une marque. On est né il y a trois mois. On n'est pas très connu. L'UMA te met un coup de tampon sur ton truc en te faisant une interview, paf, là oui, c'est retweeté partout sur les réseaux, c'est comme si il fallait qu'une marque officielle te reconnaisse, et là ça commence à interpeller. Après, je te rassure, hein, on va rester calme, dans les journalistes français, les grands médias, des milliardaires, tout ça, mais même l'audiovisuel public, hein, pour l'instant ils n'ont pas appelé. Hein, c'est resté ils très n'ont calme. Pas encore appelé, alors on va vérifier ton téléphone quand on va finir cette émission, on suppose qu'ils vont appeler, parce que quand même c'est à peu près le sujet dont parle tous les Français politisés, et donc il faudrait à un moment donné que les médias d'une certaine envergure en parlent. Mais de toute façon, on a bien l'impression que Off Investigation n'est pas non plus très, disons, porté par les bonnes fées de la confrérie journalistique. Non, et puis je te trouve optimiste. Hein. Tu dis qu'il faudra que les médias normaux en parlent. Enfin oui, d'accord, il faudra que les médias normaux en parlent, mais au bout d'un moment, moi j'en arrive à me dire... Je sais même plus s'il faudrait que les médias normaux en parlent, parce que, il faudrait que les médias indépendants en parlent, ouais, il faudrait que les citoyens en parlent, oui, il faudrait que les politiques s'expliquent, mais moi, j'en ai marre de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre, en gros, les grands médias des milliardaires de faire le job, quoi. Je vais pas m'épuiser avec ça, tant pis, il y a vraiment deux mondes, il y a les médias, soit soumis aux oukases de l'État, soit entre les mains des milliardaires, qui, souvent, bah, forcément, n'enquêtent pas beaucoup, voire, referment le couvercle pour éteindre atteindre les scandales. Je veux dire, enfin, le journal du dimanche, par exemple, ces dernières années, à plusieurs reprises, quand des scandales étaient soulevés, venait nous faire le contre-storytelling pour protéger. Ça a été le cas pour Cahuzac, ça a été le cas pour Macron. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est la presse d'Arnaud Lagardère. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, le JDD protège ça, enfin, Match protège Sarkozy, enfin, ça suffit, quoi. Donc, stop. Moi, j'attends pas grand-chose, en fait, de cette grande presse, et je pense qu'il faut que on recrée des médias indépendants de partout, financés par la population, et là vraiment, on va faire le job, quoi. On s'est quand même rendu compte que sur le scandale McKinsey, c'est quelque chose qui est monté, quand même, des réseaux sociaux, dont les médias, d'une certaine envergure, disons, s'interdisaient de parler, et puis, poup, il y a une sorte de plafond de verre qui a été explosé, et puis maintenant, on commence à en parler, donc on peut s'imaginer que cette affaire, qui est quand même une grosse affaire, et qui, quand même, même si on fait abstraction d'Emmanuel Macron, cette histoire de Bercy qui, cautionne plus ou moins des mécanismes qui privent le fisc français de revenus parce qu'ils sont copains les uns avec les autres et que finalement, on quitte Bercy, on va à Rothschild ou à la Banque Lazare. Forcément, il faut en parler. C'est un système, et je pense que on va réussir à en faire parler. En tout cas, on peut aussi imaginer que l'opinion publique va faire le job pour qu'on en parle. Alors la série Macron, un homme d'affaires à l'Élysée, pour laquelle Off Investigation a levé des fonds sur KissKissBankBank, est terminée, je crois. Ouais. Alors on suppose que l'aventure Off se poursuit. Que vous n'avez pas commencé tout ça pour nous abandonner en chemin. Merci Théo. Bah écoute, déjà. Tu as reçu une super offre de Canal Plus. Tandis si tu reviens, j'annule tout. Il y a une rumeur urbaine qui a circulé hier, c'est que Christine Kelly aurait évoqué notre enquête sur CNews. Bon, au secours. Enfin, je veux même pas le savoir. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais trêve de rigolade. Enfin, Off. Écoute, là, on est juste, en fait, totalement fracassé de fatigue parce que faut quand même savoir que sortir 8,52 d'investigation en quelques mois avec, 8,52 minutes. Deux, trois journalistes. 8 épisodes de 52 minutes. Ouais, c'est ça. 8 épisodes de 52 minutes avec peu de monde, peu de moyens, des bouts de ficelle, pas de caméraman. Enfin, voilà, faut voir comment on a bossé. Donc, on est juste tous explosé de fatigue, on est content. Donc on va déjà juste se reposer, réfléchir à la suite. Ce qui serait bien, effectivement, c'est que Off devienne un petit site d'information un petit peu régulier avec au moins des articles. Je ne dis pas des documentaires d'investigation toutes les semaines, faut pas rêver, parce que ça coûte à fabriquer minimum 35-40 000 euros. À France Télé, c'est 120, nous on arrive à faire 40, mais c'est fatigant et c'est pas super facile à faire. Donc on va voir, on va essayer de développer le truc. On a prévenu notre communauté qu'on était content d'avoir de l'abonnement, qu'on allait fournir les goodies qu'on avait prévus et qu'on allait essayer de transformer Off en un site d'infos à partir de septembre. On va faire tout ce qu'il faut pour ça. Et moi, je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça. Je me disais, on va faire une série sur Macron, puis après, on va aller dormir sur la plage. Mais là, ouais, malheureusement, tu travailles avec des jeunes journalistes qui risquent d'être tricards, donc il faut que tu leur donnes un job maintenant. J'espère qu'ils vont pas être tricards. C'est une préoccupation qu'on a depuis le début, parce que c'est vrai que quand on fait du journalisme indépendant, un peu rentre dedans, et qu'on va jusqu'à éventuellement dire que le système médiatique français est malade, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Et donc, c'est dur un peu pour ces jeunes journalistes qui soit vont dans le système, et là, c'est pas forcément évident, soit vont dans les médias indépendants, mais il faut pas qu'ils soient carbonisés. Je crois que Salomé Saké, notre consoeur de Blast, a été remercié de France 24 puis de LCP récemment. C'est vraiment pas évident, quoi. Merci en tout cas, Jean-Baptiste. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité.

Peut-on vraiment en vouloir aux Français d'avoir suivi une compétition qui les passionne et dont ils ne sont au fond pas responsables de l'attribution ? Difficile en effet d'exiger un boycott de la part des spectateurs, des sportifs aussi, hein, qui ne sont pas non plus consultés dans le choix de ces attributions. Qu'en est-il en revanche à l'échelle politique ? Eh bien évidemment, hein, c'est là que tout se passe, car sans aller jusqu'au boycott, il reste au moins la parole. Le discours d'un pays, ça compte dans les relations internationales. Or justement, le discours de la France paraît, pendant cette Coupe du Monde, discutable. Tout a commencé avec cette déclaration d'Emmanuel Macron, c'était le 17 novembre dernier. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Il ne faut pas politiser le sport. Bon, l'affirmation était déjà bancale avant la Coupe du Monde, on avait eu l'occasion d'en parler. Mais depuis, il y a eu l'affaire du brassard arc-en-ciel. Il y a eu l'équipe allemande qui a posé main sur la bouche. Il y a eu les joueurs iraniens qui ont refusé de chanter leur hymne. Et puis, il y a eu cette équipe du Maroc qui a réussi à susciter, le temps d'une compétition, l'unité du monde arabe qui dira encore aujourd'hui que le sport n'est pas politique ? Est-ce que la position du gouvernement, du sommet de l'État a évolué ? Eh ben, c'est tout le problème, hein, c'est que depuis, elle est devenue totalement illisible. Samedi dernier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, assistait au quart de finale vêtue d'un pull aux manches arc-en-ciel, un acte politique donc. Eh bien, pas si sûr, elle s'en expliquait le lendemain sur France Info, c'était à votre micro, Jules. Hier, nous étions la journée des droits de l'homme. Pour moi, c'était important d'exprimer mon engagement en faveur des droits humains dans leur ensemble, notamment des droits LGBT, mais des droits humains dans leur ensemble, et de le faire sans agressivité à l'égard du Qatar, qui est notre partenaire. Ah ! Tiens donc ! Elle portait les couleurs du drapeau LGBT, mais pour défendre les droits de l'homme en général et en plein respect du Qatar, ou comment contredire ses actes par ses paroles ? Mais elle n'est pas la seule. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ramait pour accorder le geste de la ministre des Sports et le discours du président de la République. Il était dimanche dernier sur LCI. Porter nos valeurs quand on vient représenter un pays dans une compétition internationale, c'est pas faire de la politique. Encore une fois, c'est juste affirmer des socles, des fondamentaux. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de la ministre des Sports. Voilà, hein, porter nos valeurs, ça n'est pas faire de la politique. Il fallait la tenter, hein, celle-là quand même. Alors que défendre ses valeurs dans un pays où elles sont contestées, eh bien, c'est la définition même d'un acte politique. Voilà ce qui se passe quand on cherche à faire rentrer un carré dans un trou rond. À un moment, ça coince. Et qu'en est-il de la parole du chef de l'État ? Eh bien, il s'est effectivement exprimé mercredi dernier à l'issue du match France-Maroc. Et lui aussi, il a bien du mal à trouver l'équilibre. Le sport doit rassembler et il en est des Coupes du Monde de football, comme de rugby, comme des Jeux Olympiques. Il se fait là pour rassembler, parfois pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir. Le sport doit permettre que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. C'est donc bien que le sport est porteur d'enjeux et de symboles qui sont intrinsèquement politiques. Voilà Emmanuel Macron contredit par Emmanuel Macron. Et puis, il y a cette phrase, le Qatar l'organise très bien cette Coupe du Monde. Alors, factuellement, c'est plutôt juste, hein, la compétition se passe bien, les images sont magnifiques, mais pour autant, est-ce que cette phrase, elle est pertinente ? Qu'est-ce qui est le plus important ? La qualité de l'organisation de ce mondial ou le prix qu'il aura fallu payer pour cette organisation ? La vie de milliers de travailleurs et un désastre écologique. Avec cette phrase, le président de la République valide en réalité toute la narration mise en avant depuis le début par le Qatar, dont l'objectif est justement de renforcer sa place sur l'échiquier international. Est-ce que vous diriez donc que cette Coupe du Monde est une réussite pour le Qatar ? Alors, pour le Qatar, c'est une réussite, oui, mais une réussite en demi-teinte. L'événement, certes, est un succès sportif, mais il aura malgré tout attiré l'attention sur les pratiques politiques de ce pays. Pour la France, en revanche, c'est un triste bilan. Le gouvernement sera resté jusqu'au bout empêtré dans un double discours guidé, de toute évidence, par des intérêts économiques au moment où l'affaire de corruption au Parlement européen démontre jusqu'où le Qatar est prêt à aller pour étendre son influence. Nous aurions pu, je crois, espérer mieux. Reste le bilan sportif. Souhaitons que ce soir, il soit plus enthousiasmant que le bilan politique. Entre les lignes, analyse de Clément Viktorovitch tous les dimanches sur France Info. en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Juillet 1946, même pas un an après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, l'armée américaine teste deux nouvelles bombes atomiques encore plus puissantes dans l'atoll de Bikini. Les explosions sont filmées par des centaines de caméramen depuis des avions et des bateaux en mer. C'est du jamais vu. Mais du coup, tous ces caméramen, comment ils étaient protégés? Et ils avaient conscience du danger des radiations nucléaires? Bon, déjà, c'est où Bikini? Bah, c'est un atoll paumé dans l'océan Pacifique, là. Tokyo, c'est à 3700 km au nord et Sydney à 5000 km au sud. Scene 24, take one. Quelques mois avant les deux essais nucléaires, des caméramen de l'armée filment les préparatifs à Bikini. Dans cette petite mise en scène, un contre-amiral américain demande aux Bikiniens s'ils sont d'accord pour prêter leur atoll. Bon, en gros, ils ont pas le choix, hein. Ici, on voit les premiers départs pour une autre île. Les Bikiniens ne savent pas encore qu'ils ne pourront jamais revenir. Les caméramen font aussi des images qui montrent les préparatifs pour filmer les explosions. On hisse des caméras et des appareils photos sur des tours et on les installe dans de gros caissons en plomb. Ces deux caméras automatiques peuvent enregistrer plusieurs milliers d'images par seconde. Et ça, ce sont des images en couleur prises d'un avion qui survole le lagon. C'est sur ces vieux bateaux usés que l'armée va tester les effets des bombes. Celui repeint en rouge, c'est le bateau cible pour la première bombe qui sera larguée à près de 8000 mètres d'altitude. Et ça, ce sont les avions des caméramen spécialement aménagés avec des ouvertures pour pouvoir filmer le ciel. Il n'y a pas que des militaires, hein, l'armée a aussi recruté des caméramen expérimentés d'Hollywood. Et comme vous voyez, ils ont juste des combinaisons et des parachutes. Ouais, en gros, pas grand-chose hein, pour se protéger des radiations atomiques, à part des lunettes. Le jour J, ceux qui filment depuis des avions ont une bonne visibilité sur l'atoll de Bikini. Là, c'est le bateau cible. Autour, il y a les autres bateaux avec les cochons, les chèvres et les moutons qui servent de cobayes. Oui. Et sur l'atoll, en haut des tours, il y a des caméras automatiques déclenchées à distance. Le 1er juillet 1946, postés sur un bateau au large de l'atoll, des caméramens d'actualité se tiennent prêts à filmer eux aussi. En fait, ils sont beaucoup trop loin de la zone de tir, ça donne ce genre d'image. Ouais, on voit pas grand-chose, hein. Voici maintenant la même explosion, filmée par des caméramens désarmés depuis un avion. Bah, ils sont plus près du champignon, donc ça fait des images carrément plus spectaculaires que celles de leurs collègues des actualités. En plus, elles sont tournées en couleur et au ralenti. Ces films sont destinés aux scientifiques qui les étudieront. Mais surtout, donnés aux news, ils permettront de montrer au monde, et en particulier aux soviétiques, que les États-Unis ont des armes nucléaires extrêmement puissantes. Quant aux caméramens recrutés pour filmer ces explosions, certains retourneront travailler à Hollywood. D'autres vont se spécialiser dans la prise de vue d'essais atomiques. Malgré les risques considérables, ils vont filmer des centaines d'explosions dans le Pacifique et dans le désert du Nevada, et ce, jusqu'aux années 60. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais. Sous le joyeux soleil de mai, chemin faisant j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit, ce drôle de bruit. Je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Il y a une troisième voie d'explication qui est peut-être celle effectivement de la stupidité et de la bêtise. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle épidémie de bêtise qui s'étend depuis une trentaine d'années ? On a une discipline qui devient une espèce de religion, de secte économique, dans laquelle le goût de la vérité, la recherche de la vérité a disparu. Tout ce qui ne peut pas rentrer, autrement dit tout le réel qui ne peut pas rentrer dans ces équations, va être exclu. L'intelligence est une boîte à outils. On peut s'en servir, on peut ne pas s'en servir et du coup devenir un abruti complet, voilà, alors qu'on est très intelligent. Autrement dit, on a du mal à comprendre et à admettre la bêtise des intelligents. Il n'a pas été fait pour découvrir la théorie de la relativité générale, notre cerveau. Il a été fait pour la survie, la reproduction. C'est au contraire un désavantage compétitif si vous êtes quelqu'un qui doute et qui se dit « Ah, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. » C'est pas comme ça que vous allez gagner dans un débat, dans une discussion. On le voit tous les jours dans les débats politiques. Hein. Bon, on néglige le fait qu'il peut y avoir aussi un inconscient de classe et qui résulte justement de ce biais égocentrique, c'est-à-dire du fait que spontanément, on a du mal à se mettre spontanément dans la place de quelqu'un qui ne partage absolument pas notre mode de vie, qui ne partage absolument pas notre condition. La manière dont nous allons raisonner, débattre et discuter va être entièrement tendue dans le but de gagner la compétition. Donc la compétition, ça rend con. Il faut regarder en face que le fait que notre système de parti de démocratie représentative est un système qui fonctionne à plein sur le biais égocentrique, sur le biais de confirmation, sur tous ces biais cognitifs et qui interdit l'intelligence collective. Jacques Généreux, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es un économiste, un membre du collectif des économistes atterrés de l'Association française d'économie politique. Tu enseignes à Sciences Po depuis 40 ans et tu es l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de l'économie, de manuels d'économie, mais aussi d'essais qui essaient justement de faire un lien entre l'économie et les sciences humaines. Tu viens de publier « Quand la connerie prend le pouvoir », ton nouvel opus qui creuse justement un sujet qui t'est cher, justement le rôle de la bêtise humaine dans la pensée et dans notre système économique. Alors, première question justement qui illustre ce sujet-là. On est dans une démocratie représentative, donc normalement, la population peut désigner des représentants qui vont appliquer la politique que les gens souhaitent. Et on s'aperçoit qu'en pratique, c'est pas vraiment ce qui se passe, puisqu'on a des politiques économiques en particulier qui ne profitent pas au plus grand nombre, voire même qui sont franchement refusées par une majorité de la population. Pourtant, dans un système où normalement, le plus grand nombre est censé décider de la politique qu'il veut, donc on se dit, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui, selon toi, justement, fait qu'on est dans un système où l'intérêt général n'est plus défendu dans le système ? Alors, en effet, il y a cette grande régression à partir des années, fin des années 70, années 80, avec le paradoxe que tu soulignes, qui est d'autant plus réel qu'en même temps, si on regarde ce qui s'est passé avant, déjà un peu pendant les Trente Glorieuses, mais surtout dans la fin de la période, on pourrait dire que du point de vue formel, il y a plutôt des progrès de la démocratie. On commence à parler de démocratie participative, d'intégration, participation, etc. Bon. Et donc, plus on parle de démocratie, plus dans les années 80, l'effondrement du bloc communiste, plus la démocratie devient en quelque sorte le modèle, plus il y a de pays en Europe qui deviennent des pays démocratiques, et plus on va aller vers des politiques qui sont assez catastrophiques, en fait, pour le plus grand nombre et qui se font très, très largement, de plus en plus, à l'avantage des plus aisés, des plus puissants et des plus riches, que montre très bien, effectivement, cette explosion des inégalités. Donc, on a un système qui est fou, des politiques qui sont folles, qui sont contre-productives, même sur le plan économique, donc qui ne profitent vraiment qu'à une toute petite minorité de gens. Et on est dans des démocraties où on peut virer finalement les gouvernements tous les 4 ou 5 ans, où le débat est libre, où la critique est libre. Et donc, on se dit, mais comment est-ce possible? Et là, évidemment, il y a l'interprétation. Il y a plusieurs types d'interprétations. L'interprétation à cette question... classique, par exemple, de la gauche, notamment la gauche à laquelle j'appartiens, tout le monde le sait, sur le plan intellectuel et pendant très longtemps sur le plan militant, il y a une grille de lecture assez classique qui dit « oui, mais c'est normal parce qu'on est dans un système de domination de classe et ce qu'on voit là, c'est simplement la victoire de la classe capitaliste, comme l'a dit Warren Buffett. Il y a toujours la lutte des classes, mais c'est nous, les riches, qui l'avons gagné. » Simplement, il faut examiner d'autres pistes parce que la piste, le capital a pris le pouvoir et il l'exerce, qui a sa part de vérité, la lutte des classes existe toujours, n'est pas suffisante. Le capital n'a pas d'armée. On est justement dans des démocraties. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on peut changer de gouvernement et de pouvoir. On est libre de voter. On n'est pas dans des pays où on subit une influence, des menaces ou des pressions si on ne vote pas comme il faut. On a encore cette liberté. On va dire, oui, mais les médias sont vendus aux riches, au capital. C'est vrai qu'il y a certains grands médias qui sont contrôlés par... Mais ça ne veut pas dire aussi que toutes les rédactions au sein de ces grands médias sont complètement inféodées et sont des valets du capital. Et puis surtout, il n'y a pas que ça. On est dans un système où... Vous en êtes la preuve ici, mais c'est pas nouveau, ça fait quand même un moment, où il y a énormément de médias indépendants, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur l'Internet. Et donc, dire que qui veut s'informer et avoir des informations plurielles pour s'informer sur le débat, entendre différents points de vue, analyses, etc., a accès à cette information. Bon. Et donc, je veux dire, il faut examiner les autres pistes. Les autres pistes qui ont été beaucoup exploitées, notamment par les mouvements altermondialistes, étaient de dire, outre la lutte des classes, c'était la disparition des marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'un État national n'a plus les moyens d'agir dans cet univers de compétition mondiale. Alors certes, cet état de compétition mondiale lui-même est construit par la politique, mais on comprend bien qu'un pays tout seul ne peut pas changer à lui tout seul l'état de la politique mondiale. Mais même ça, parce qu'évidemment, ça part de vrai de la contrainte, mais ceci est vrai pour Chypre, c'est vrai pour le Burkina Faso, c'est pas vrai pour l'Allemagne, c'est pas vrai pour la France. Et c'est ce que je me suis attaché à montrer dans d'autres livres et dans mes engagements politiques. Un grand pays comme la France peut décider du jour au lendemain de mettre en place, en dérogation au droit européen, des contrôles à ses frontières contre les produits financiers toxiques, par exemple, qui seraient responsables de la crise des subprimes, des instruments financiers criminels qui déclenchent des catastrophes. On peut le faire. L'Union européenne, ce n'est pas le pacte de Varsovie. Il n'y a pas des chars d'assaut qui vont envahir la France parce qu'on n'aurait pas respecté une des clauses des traités européens. Tout ce qu'on risque, et même pas, on ne risque même pas ça pour ce genre d'action illégale. On ne risque même pas des amendes. Des amendes sont prévues. Ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est des rapports de force, en réalité, notamment quand on parle de grands États. Et regardez, pacte de stabilité, il y a un déficit maximal. Tout le monde, presque tout le monde, a violé cette clause, y compris l'Allemagne, hein, qui représente le modèle type de la rigueur budgétaire. Il n'y a jamais eu de sanctions contre aucun pays. On est dans le rapport de force. Donc l'idée qu'on a des marges de manœuvre limitées, je veux bien pour un petit pays. Donc il faut évacuer cette interprétation. Alors après, il en reste finalement une autre. Si c'est pas juste la domination brute des plus riches, parce qu'on est dans une démocratie et où quand même, il faut bien que les gens soient d'accord. Si c'est pas le fait que ceux qui ont le pouvoir, de toute façon, ils peuvent pas parce que la contrainte internationale est trop forte. Il reste quoi ? C'est peut-être que alors si on peut, parce qu'il y a des moyens. On sait comment faire, on peut faire autrement et on le fait pas. Alors, on veut dire que vous examinez forcément la troisième piste, c'est que ceux qui gouvernent sont à la fois idiots et incompétents et donc ne font pas ce qu'il faut, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils croient vraiment que ce qu'ils font, c'est la bonne chose pour le pays et qu'il ne faut pas faire autrement, même si ça fait 30 ans qu'on fait la même chose et que ça ne marche pas, et que ceux qui votent pour eux et qui les soutiennent en pensant que ça va défendre leur intérêt votent pour des gens qui font des politiques qui sont contraires à leurs propres intérêts. Donc, il faut explorer cette piste de la bêtise et de la stupidité. Et ne pas, comme le font beaucoup de mes camarades intellectuels ou politiques, se réfugier en disant « Oui, mais pour ces braves gens qui votent, c'est parce qu'ils sont manipulés par les médias. » À quoi je réponds « Oui, mais toi, camarade, ou toi, camarade professeur, tu es pas manipulé, toi ?» T'as pas un cerveau différent d'Homo sapiens que celui des autres gens. Et donc, pourquoi on a dans la population une partie qui reste une population qui n'est pas manipulable, qui n'est pas manipulée, qui fait effort pour s'informer et qui essaie de voter vraiment en connaissance de cause, et une large partie de gens qui peuvent être manipulés par les médias. Donc, dire que ça s'explique par la manipulation des médias, ça veut dire qu'il faut explorer la question de savoir pourquoi les gens se laissent manipuler et d'autres pas. Ce qui me donne raison au moins sur ce point, qu'il faut explorer cette piste qu'il y a une troisième voie d'explication qui est peut-être celle, effectivement, de la stupidité et de la bêtise. Et à partir du moment, il faudra se poser la question, quels sont les cadres et qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle épidémie de bêtise qui s'étend depuis une trentaine d'années. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Ce que tu montres aussi, c'est que finalement, dans la théorie économique elle-même, les fondements théoriques de la science en fait, que tu enseignes montrent qu'il y a eu aussi une grosse évolution dans la pratique. Il y a de moins en moins de prise en compte du psychologique aussi. On essaye de formaliser mathématiquement les choses pour dire, bah, vous voyez, si c'est des mathématiques, bah, donc c'est la vérité et il n'y a pas d'alternative aux mathématiques. D'ailleurs, je te propose un graphe qui est, enfin, une image qui est assez intéressante, qui montre ce qui est devenu la science économique. Ici, c'est à gauche, un fameux livre de Keynes de 36 sur la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt de la monnaie. Et en 2005, voilà, pareil, la science économique, voilà ce qu'elle est devenue. C'est pas une caricature, c'est plutôt représentatif. Enfin, tu me diras de ce qui se publie maintenant en économie, de ce qui se publie avant. Alors, c'est pas simple, Keynes, mais en tout cas, on peut le lire. On comprend pas tout des fois, mais on peut lire. Ici, on ne peut absolument plus le lire. Enfin, est-ce que justement cette science économique qui devient mathématique a pas pour but de créer des prérequis qui sont faux? Enfin, l'homme est rationnel, t'es obligé de simplifier. Hein. Puis tu arrives à des conclusions qui t'arrangent. Et après, tu dis, attendez, mes conclusions, elles viennent des maths. Tu ne vas pas contredire les maths. Donc, il n'y a qu'une politique possible, d'où le Thatcher, le TINA dont tu parlais, finalement. Comment tu vois cette évolution de la science économique? Cette obsession de l'usage des mathématiques pour faire science et ne faire des choses qu'à partir du moment où ça peut être démontré mathématiquement va introduire, en effet, quelque chose d'assez pervers. Parce que ça va éloigner, si on compare à l'époque de Keynes, ça va éloigner, en fait, de la recherche de la vérité. Parce qu'il y a un moment où si on ne peut plus dire en économie, et imaginons si c'était le cas en droit, en sociologie, etc., si on ne peut plus dire en économie rien qui ne soit pas démontrable mathématiquement, forcément, il y a un moment où ça va rétrécir singulièrement le champ de ce que l'économie peut comprendre et expliquer. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ce que j'ai décrit, moi, de manière littéraire tout à l'heure, c'est l'idée qu'on a un modèle économique qui dit c'est la quantité d'épargne disponible et de travail qui fait le développement. Et donc, si vous voulez faire quelque chose, trouvez des moyens de renforcer l'incitation à épargner et à travailler. Bon. Effectivement, ça s'appuie sur un modèle d'équilibre général déjà mathématique à l'époque, à la fin du 19e siècle, qui veut montrer mathématiquement que si on laisse faire, qu'il y a de la concurrence et que les gens sont rationnels, eh bien, vous aurez un équilibre général automatique. Le problème, c'est que tout ce modèle est faux. Et ça, on le sait, après, avec le temps, la rationalité telle qu'elle est pensée en sciences économiques, on sait que c'est faux, on sait que les gens ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ça a été démontré par la psychologie, par l'anthropologie, ça a été démontré même au sein de la science économique par la nouvelle branche qu'on appelle l'économie comportementale, depuis les travaux de Kahneman, Tversky dans les années 70, et de Richard Thaler ensuite, qui ont eu, pour les deux que j'ai cités, le prix Nobel, faux Nobel, pseudo Nobel d'économie. Donc, on sait que les comportements ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ces modèles supposent qu'il y a une concurrence parfaite de petits acteurs indépendants qui sont tous à égalité. Ça existe dans quelques cas. Il y a quelques cas où de marché, effectivement, c'est plein de tout petites entreprises où chacune a de pouvoir et ne peut peser, où la concurrence est féroce. Bon, en gros, bon, OK. C'est pas le CAC 40 en général. Voilà. La réalité de l'économie moderne, c'est celle des oligopoles, des monopoles, des rapports de force. Et tout le monde sait bien, en économie industrielle, que c'est pas la concurrence pure et parfaite qui décide du fonctionnement des marchés, que ça ne marche pas comme ça. Ouais. Donc tout est faux là-dedans dans ce modèle. Mais dans n'importe quelle science véritable, il y a un moment donné où une piste ou un modèle dont on sait qu'il est faux, dont il est démontré par les autres sciences, comme au sein même de la science économique, que ce modèle est faux, que ses postulats sont faux, Il y a un moment, bah, on va aller vers un autre modèle. Et ce qui s'est passé en sciences économiques, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le modèle qui est devenu dominant dans les années 80-90 est un modèle qui repart de cette théorie de l'équilibre général mathématique parfaitement abstraite, qui était une pure abstraction, en rajoutant une couche énorme d'abstraction, en disant que c'est un équilibre dynamique, stochastique, intertemporel dans le futur et que les gens ont des anticipations rationnelles. Ils sont pas seulement rationnels à un moment donné, mais ils savent bien à l'avance ce qui va se passer. Ils comprennent tout le détail des effets d'une quelconque politique économique. Enfin bref, on va vers un modèle. Pourquoi ? Parce que on a une discipline qui devient une espèce de religion, de secte économique, dans laquelle le goût de la vérité, la recherche de la vérité a disparu. La seule chose qui compte, c'est de n'accepter des travaux, et donc du coup des étudiants, des doctorants ou des articles dans les revues scientifiques, que ceux qui permettent d'entrer dans le cadre de cette économie mathématique. Tout ce qui ne peut pas rentrer, autrement dit tout le réel qui ne peut pas rentrer dans ces équations, va être exclu. On va renvoyer ça à la psychologie, à la sociologie ou aux faux économistes qui s'occupent de l'économie réelle. Alors finalement, ça, c'est ce que tu appelles la connerie économique. Comment tu définirais un peu plus précisément le mot connerie ? En quoi c'est différent d'erreur ? Oui. Alors, justement, avant, en effet, de dire que la connerie, là, il faut, tu as raison, faire attention et bien préciser ce que je fais très, très précisément dans le livre. C'est pas juste un mot, c'est pas juste une insulte, c'est pas juste une grossièreté, ça n'est même pas du tout une grossièreté, c'est un terme qui va prendre un sens très précis. Ce qu'on a décrit là, c'est effectivement tous les symptômes quand même d'une immense stupidité et qui a gagné, puisqu'on parle aussi du coup des théoriciens, non seulement les politiques, mais aussi ceux qui pensent les systèmes qu'on apprend dans les universités et qui forment les élites politiques. Alors, dans le chapitre du livre qui est consacré justement à la banalité de la bêtise, je vais préciser ce qu'il faut entendre par là. J'étais frappé de voir que les spécialistes, même des grandes publications internationales, ont beaucoup de mal à définir l'intelligence et la bêtise. Alors je dis, il y a au moins une chose qui ressort des travaux de la psychologie, dans lesquels le mot intelligence a fini par désigner la totalité de l'activité mentale, parce que vous avez l'intelligence pratique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence calculatrice, rationnelle. Okay, bon, en gros, donc c'est un concept parfaitement vide, parce qu'il veut dire en fait l'ensemble des capacités intellectuelles du cerveau humain. Bon, très bien, mais du coup, il en ressort au moins un consensus, finalement, pour comprendre que l'intelligence, c'est ça, c'est un ensemble de capacités mentales. Mais donc, ça n'est pas que nous avons tous. Donc, il n'y a pas des gens intelligents et des gens pas intelligents. Hein, l'intelligence, comme on dit, ah, il est intelligent. Personne n'est intelligent, comme personne, d'ailleurs, n'est bête. L'intelligence et la bêtise, ça n'est pas quelque chose que l'on est, et c'est pas de même nature. L'intelligence, c'est un ensemble de capacités que tous les humains ont. Voilà. C'est un ensemble de capacités intellectuelles, de réflexion, de recherche, de compréhension, des émotions, des relations, etc., que nous avons. Certains ont peut-être quelques capacités cognitives un peu plus développées que les autres, mais enfin, la moyenne est à peu près la même pour tout le monde. Bon, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence, ce que souvent on croit, on dirait lui il est bête, il est intelligent. Non, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. On est tous intelligents en ce sens qu'on a tous des capacités. La question, c'est de savoir comment on s'en sert de cette intelligence. Et donc, ce que j'appelle la bêtise, c'est très précisément la suspension de l'effort qui est nécessaire pour se servir de manière adéquate de son intelligence. L'intelligence, c'est une boîte à outils. On peut s'en servir. On peut ne pas s'en servir et du coup devenir un abruti complet, voilà. Alors qu'on est très intelligent. Et donc la bêtise, c'est la suspension de l'effort, c'est l'arrêt de l'effort qui est nécessaire pour se servir de son intelligence. On fait ça tous les jours. Je dirais c'est la bêtise ordinaire et on le reconnaît, dire oh ben je suis bête ou je suis con, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ça, mais c'est stupide parce que notre cerveau, on va sans doute en parler. Il n'est pas spontanément fait pour ça, pour se poser des questions complexes, faire attention à tout. Il est fait pour d'autres fonctions beaucoup plus vitales. Bon, donc on a cette bêtise ordinaire, nous tous les jours. Cette bêtise ordinaire qui fait qu'on n'a pas réfléchi, en général, on la corrige. On s'aperçoit qu'on n'a pas fait et on fait autrement. Alors après, il y a un niveau de bêtise supplémentaire que j'appelle la bêtise bien ancrée. c'est quand, oui, on continue. C'est-à-dire que c'est pas juste, j'ai pas pris le bon mot, j'ai pas pris la bonne rue, ou j'ai mal réagi à quelqu'un alors qu'il était en fait très, très, très, très gentil avec moi. Bah, la fois d'après, je m'excuse et je fais autrement. Non, c'est la fois d'après, je crois toujours que c'est un sale type, et je ne me corrige pas. Donc, la bêtise bien ancrée, c'est-à-dire qu'on a du mal, on s'entête dans l'erreur, on a du mal à en sortir. Et puis, alors, il y a le stade plus important, c'est quand cette bêtise bien ancrée résiste dans le temps à toutes les évidences contraires, résiste à vos amis qui vous expliquent que non, que c'est pas possible, que c'est pas comme ça, que ça peut pas être comme ça. Vous ne pouvez plus changer. Résiste à l'évidence. Et toutes les évidences qui se présentent à vous, vous allez les remanipuler, les réinterpréter pour que ça reste compatible. Bref, quand vous rentrez dans cette obsession, cet ancrage psychologique et quasi pathologique dans le fait d'une impossibilité totale de penser autrement, alors c'est ça que j'appelle la connerie. C'est-à-dire cette bêtise tellement ancrée qu'elle devient quasiment une caractéristique de la personnalité, un trait de caractère qu'on ne peut plus changer. Bon, alors ça, voilà, pour les définitions. Mais tu expliques justement dans le livre que ça va toucher toutes les classes sociales. Et là, les gens ont un peu de mal à comprendre que ce qu'on appelle en général vraiment les élites, que bah, quand tu as fait l'ENA, quand tu es inspecteur général des finances, quand tu as fait Polytechnique, quand tu as fait Normale Sup, bah, tu puisses être bête sur certains points, en fait. Et donc, après, les gens se disent, bah, alors, ces gens sont malfaisants, ou il doit y avoir un complot derrière, ils complotent ensemble contre moi. Donc, ça, c'est peut-être que c'est aussi une des raisons du complotisme qui se développe. Toi, tu dis, non, attention, n'oubliez pas comme la bêtise est une bonne explication. Mais comment ces gens-là, qui justement ont montré que par leur parcours scolaire, bah, peuvent être très cultivés et très intelligents, peuvent être bêtes à d'autres moments? Oui, alors, tu as raison d'insister là-dessus, parce que c'est une des sources de résistance à ma piste de la bêtise quand je dis non, par exemple, Macron n'est pas le président des riches, c'est quelqu'un qui croit sincèrement qu'il a la bonne politique, il fait juste que mettre en application ce qu'on lui a appris, en partie à Sciences Po, beaucoup à l'ENA et à l'inspection des finances. On va développer son cas un peu plus voilà, après. À ce que croit toute une élite, voilà. Et c'est le cas en général de la plupart des responsables politiques. La résistance va être en partie de dire ouais, on peut comprendre que des pauvres gens votent n'importe comment, etc. Bon, parce qu'ils sont pas éduqués, ils ont pas réfléchi, etc. Mais là, tu es en train de nous dire que même Jean Tirole, prix Nobel d'économie, tu expliques dans ton livre que, comme dans le précédent, qui dit des âneries économiques, des absurdités les plus totales, alors que c'est par ailleurs un type très brillant, très intelligent, sans doute avec des capacités plutôt au-dessus de la moyenne. Là, les gens ont du mal à adhérer ça. Autrement dit, on a du mal à comprendre et à admettre la bêtise des intelligents. D'abord, ça vient de ce qu'on croit que la bêtise est le contraire de l'intelligence. C'est pour ça que j'attache un tel soin à bien définir les termes. On peut se comporter comme des abrutis alors qu'on est très intelligent. Alors, une fois qu'on a compris ça, il faut voir maintenant plus précisément ce que nous apprend la psychologie. Eh bien, le résultat est assez impressionnant. C'est ce que je dis dans le chapitre de la banalité de la bêtise, qui est justement là pour dire, vous savez, la bêtise, c'est bien plus banal que la malveillance, que la méchanceté, enfin, tout ce à quoi les complotistes. En règle générale, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est pas parce que c'est un méchant et un salopard, c'est parce qu'il pense vraiment qu'il ne peut pas faire autrement ou que c'est ça qu'il faut faire ou qu'il ne s'en est pas rendu compte, etc. Bref, c'est l'incompétence, l'ignorance et la stupidité qui sont en général l'explication la plus plausible. Eh bien, ce que nous apprend la psychologie, c'est qu'en fait, plus on est intelligent au sens où l'entendent les gens, c'est-à-dire plus on a des capacités cognitives élevées, une éducation élevée, c'est-à-dire un entraînement à la réflexion, à la discussion, au débat, donc qui crée des habiletés voilà, intellectuelles, eh bien, plus on a ces habiletés intellectuelles, plus on est capable justement de s'entêter dans l'erreur, dans la connerie, c'est-à-dire dans la bêtise bien ancrée et définitive dont on ne peut plus sortir. Parce qu'on est capable de déployer toutes les ressources intellectuelles et capacités de notre cerveau pour apporter des justifications à nos erreurs, des démentis aux critiques qui nous sont présentées, c'est-à-dire qu'on peut s'entêter dans l'erreur bien plus habilement quand on a des capacités cognitives et un niveau d'éducation très élevé que quand on ne les a pas. Et donc, pour ça, il faut comprendre à quel point notre cerveau, justement, Et là, tout le monde est à égalité. Que le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de diplôme et le cerveau d'un polytechnicien, c'est à peu près le même, exactement. Et la capacité d'intelligence, en règle générale, c'est aussi à peu près la même. Et donc, ce que nous apprend la psychologie, c'est que à quel point notre cerveau n'est pas fait pour réfléchir de manière raisonnée, posée, dans le but de trouver la vérité, d'éliminer les erreurs, etc. Il n'a pas été fait pour ça, parce que notre cerveau, c'est un organe biologique qui a été façonné par l'évolution de l'espèce humaine. Oui, tu parles du cerveau de Sapiens en disant, mais attendez, au début, c'était pas fait pour réfléchir. Tu donnes des petits exemples amusants, d'ailleurs. Oui, absolument, c'était pas fait pour réfléchir, puisque il est fait... Dans un premier temps, l'évolution chez les hominidés, les grands singes, le cerveau, il est sélectionné et il évolue de manière à assurer la survie et la reproduction de l'espèce. Bon. Donc là, vous avez toute la pensée réflexe, tout le fonctionnement réflexe qui nous sauve la vie, qui est souvent inconscient. Pas le temps de réfléchir, et heureusement. Donc, ceux qui n'ont pas développé ces capacités-là, ils ne se sont pas reproduits, ils ont disparu. Donc, c'est l'évolution. Et donc, notre cerveau, il est fait pour ça. Survie. Donc, pensée réflexe, on ne réfléchit pas. C'est pas résoudre. Il n'a pas été fait pour découvrir la théorie de la relativité générale, notre cerveau. Il a été fait pour la survie, la reproduction. Dans un deuxième temps, deuxième stade de l'évolution, quand on est là, dans le genre humain, qui vit en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, et surtout avec l'apparition du feu, des campements fixes et du langage qu'on situe autour de 500 000 ans à peu près, en même temps qu'Homo sapiens, hein, bon, peut-être avant des formes de proto-langage, bon, c'est une période, on sait pas dater, hein, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Et dans la période qui précède dans le genre humain, le développement du cerveau est un développement qui va être surtout lié à la complexité avec le genre humain qui est un genre bipède intégral, qui entraîne une transformation radicale à la fois du mode de vie, d'alimentation avec la viande, etc. Il y a une augmentation considérable en taille du cerveau et une complexification en raison de la complexification des relations sociales, de la communication, etc. Et donc là, ce sont toutes les habiletés sociales pour être bien dans le groupe ensemble et pour assurer sa place dans le clan, pour s'assurer qu'on a des amis, des alliés, etc. Hein, on peut dire que c'est l'homo politicus qui se développe à ce moment-là. Et donc là, on a un cerveau qui va aussi se développer beaucoup pour nous rendre efficaces dans la compétition sociale et la coopération sociale. Et donc, en matière de raisonnement, ça se traduit par quoi? C'est ce que l'hypothèse intéressante des gens qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la théorie argumentative de la raison, qui est de dire, en fait, on a un cerveau qui se développe là pour montrer qu'on a raison. C'est-à-dire que quand on va raisonner, ce qui est important dans un groupe, dans un petit groupe comme ça, où il faut assurer son rang, sa place, etc., où il faut séduire, c'est pas de raisonner pour trouver la vérité. Ça sert à rien de trouver la vérité. Il faut raisonner pour convaincre. Il faut raisonner pour expliquer qu'on est le meilleur. Il faut raisonner pour montrer qu'on a raison. Il faut raisonner pour séduire. Bon, donc évidemment, c'est au contraire un désavantage compétitif si vous êtes quelqu'un qui doute et qui se dit « Ah, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. » C'est pas comme ça que vous allez gagner dans un débat, dans une discussion. On le voit tous les jours dans les débats politiques. Hein. Bon, c'est en général un débat d'abrutis très, très souvent parce que chacun montre uniquement à trouver qu'il a raison, pas du tout à entendre l'autre, à écouter l'autre. Notre cerveau, justement, n'est pas fait pour ça. Donc, on a un cerveau qui est fait pour penser vite de manière réflexe, sans réfléchir. Et quand nous réfléchissons, que nous croyons réfléchir pour trouver la vérité, pour raisonner, notre cerveau, lui, spontanément, il est fait non pas pour trouver nos erreurs, essayer d'éliminer nos erreurs, il est fait orienté uniquement dans l'optique de confirmer ce que nous croyons et montrer, trouver les bonnes manières de démontrer qu'on a raison. Autrement dit, il est parfait pour la bêtise, pour l'entêtement dans la bêtise. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que nous allons raisonner pour chercher à confirmer, ne retenir que les arguments, les faits, les trucs qui vont dans notre sens, et puis les autres, on les oublie. Hein, l'exposition sélective, on va tous finalement préférer être avec des gens qui ont les mêmes goûts que nous, qui pensent comme nous, que de voir en permanence vivre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Bah, du coup, on vit entre clones, on vit entre gens qui ne pensent tous que la même chose. Alors, c'est pas comme ça, évidemment, que le débat va pouvoir se développer, que la recherche de la vérité va progresser. Il y a la force de nos premières impressions.

Escape Game Harry Potter, deux points, mais qui a tué Ron Weasley. Un, deux, trois, quatre mots français pour une phrase complète. Escape Game Harry Potter, Ron Weasley. Alors, quand est-ce que les journalistes comprendront qu'il faut arrêter d'être des larbins et que le français, la langue française, est la langue officielle de la République française. Le français est la langue officielle de la République française. Hein? Arrêtez de faire les larbins. Les larbins. Les laquais. Les brosses à reluire. Puis, ça relue pas, hein. Remiremont, dimanche 18 décembre, encore, tiens, Remiremont, la police municipale en passe d'être équipée d'une caméra piéton. Pour être encore mieux protégée, la police municipale de Remiremont sera équipée d'une caméra piéton qui sera déclenchée en cas de situation tendue. La demande des agents a été validée par le conseil municipal en toute logique. Ces dernières années, la ville l'a déjà armée et équipée de gilets pare-balles. Et ça fait la moitié de la page. Bon, ben vous voyez qu'on est informé. Une nouvelle arrestation d'une star du cinéma. Bon, c'est en Iran. Ça vous étonne? Non. Des Saint-Étienne-les-Remiremont, des Stéphanois récompensés par la municipalité. Des enfants qui sont récompensés, c'est bien. Incendie mortel près de Lyon. Information judiciaire ouverte. Une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort a été ouverte par le parquet de Lyon lundi après l'incendie meurtrier qui a causé la mort de 10 personnes. Aucune hypothèse à ce stade privilégiée. Oui. Il y aurait beaucoup de questions à se poser à propos de cet incendie-là. Et d'autres sans doute. Mais, bon, les journaux sont là pour nous informer. Ils nous informeront dès qu'ils sauront les choses. Mardi 20 décembre 2022, hein, Vosges matin. Biodiversité, COP 21, c'est fini. C'est la COP 15 maintenant. Un pacte pour la nature. Plus de 190 États ont validé lundi matin une nouvelle feuille de route pour préserver la biodiversité à la COP 15 à Montréal. Le texte prévoit de préserver 30% de la planète d'ici 2030 par le biais de nouveaux réseaux d'air protégés écologiquement représentatifs, bien reliés et gérés de manière équitable. L'objectif est mondial et pas national. Certains devront ainsi en faire plus que les autres, ou plus sur Terre que dans les mers. Ces 30% sont un minimum pour les scientifiques et les ONG qui jugent que 50% serait nécessaire. À ce jour, 17% des terres et 8% des mers sont protégées. Le texte prévoit aussi que les pays riches accordent aux pays pauvres au moins 20 milliards de dollars par an d'ici 2025 et au moins 30 milliards de dollars par an d'ici 2030, soit environ le double puis le triple de l'aide internationale actuelle pour la biodiversité. Par ailleurs, le texte propose de restaurer 30% des terres dégradées à l'échelle de la planète. Restaurer 30% des terres dégradées à l'échelle de la planète et envisage de réduire les risques de pollution et l'impact négatif de la pollution de toutes les sources d'ici 2030 à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité. Les États sont toutefois attendus par les ONG sur la réalisation de ces promesses. Pouvoir d'achat, mardi 20 décembre 2022. Dans le portefeuille, 720 euros de moins à cause de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie a coûté en moyenne 720 euros aux ménages français entre janvier 2021 et juin 2022. Plus précisément, 840 euros partiellement compensés par 120 euros d'aide de l'État, qui ont fait baisser le pouvoir d'achat de 1,3% en moyenne. 6%, la prévision de l'inflation en 2023, selon la Banque de France, soit un rythme comparable à 2022. Oui, bon, ben, il faut, Il fait bon être étranger, et puis il fait encore meilleur être français. Ah oui, on a de la chance. Mon Dieu, la chance qu'on a. Qu'est-ce qu'on a drôlement bien voté, hein. On a voté intelligemment depuis 30 ans. Non, c'est pas croyable qu'on ait voté aussi intelligemment que ça depuis 30 ans. Et puis, et plus. Mais bon, hein. L'électeur français. L'électeur français. Politique, le supporteur Macron, taclé par l'opposition. Supporteur, ils ont écrit S-U-2-P-O-R-T-E-U-R. Ah bon? Supporteur. Je crois que c'était T-E-R, moi. Hein? Ah, des fois on cause français. Ah oui. Oui, oui, in French. Le président. French. Pardon, pas French. French, das ist Deutsch. Nein, English. French. Le président, omniprésent auprès des Bleus, est moqué par les oppositions pour ses attentions auprès de Kylian Mbappé. Attention auprès de Kylian Mbappé. Vous avez vu l'image, non? Ah oui, on a bien voté, hein. Et accusé de vouloir récupérer pour lui le soutien populaire des footballeurs. Alors, voilà, avec l'hymne Freed from Desire. Freed from Design. Ça veut dire quoi en français? Vous savez pas? Ben, moi, j'ai un dictionnaire d'anglais pas loin, mais bon, voilà. Chacun fera sa traduction, hein. Macron, hors jeu sur toute la ligne. Manuel Bompard, futur leader de LFI, la France insoumise, a choisi l'ironie. Emmanuel Bompard, il choisit l'ironie, hein, en citant une phrase d'Emmanuel Macron au début du tournoi. Deux points, ouvrons délicatement les guillemets. Il ne faut pas politiser le sport. Il ne faut pas politiser le sport. Allez, fermons les guillemets. 24 millions, 80 000, la finale du Mondial 2022 dimanche a été regardée par 24,08 millions de personnes sur TF1, ce qui constitue un record historique d'audience pour la télévision française, a annoncé la chaîne lundi. 24 millions de gens. Ils ont tous une carte d'électeur, ces 24 millions de personnes, hein. C'est pas sûr. 227 interpellations dans toute la France. Ben oui, il y a eu un petit peu de chahut par-ci, par-là. Oh, c'est pas des manifestants syndicaux ou politiques, hein, qui manifestent pour sauver les retraites, pour sauver la sécurité sociale, pour sauver... Non, non, c'est du sport. Alors quand c'est du sport, ben voilà, hein, ça tombe comme ça tombe, et puis voilà. Hitler n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. Hitler n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. Bolsonaro n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. Meloni n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. En France, on stoppe la bourgeoisie RN ou on récidive? Point d'interrogation. Point d'interrogation. L'Union européenne, protectrice des nazis bourgeois? Repoint d'interrogation. Pour l'historien britannique Ian Kershaw, c'est la complaisance d'élites bourgeoises convaincues, à tort, de pouvoir les manipuler qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir en 1933. Un calcul fou. À 70 ans, le Britannique Sir Ian Kershaw est considéré comme l'un des meilleurs historiens de Hitler. En 1999, il a publié une biographie en deux volumes du maître du Troisième Reich, qui a connu un grand succès international. La traduction française est parue chez Flammarion. Son dernier livre, consacré à Hitler, s'intitule « La fin ». Il a été publié en 2012 au Seuil. Il a été anobli par la reine d'Angleterre en 2002, par le livre l'auteur. À 70 ans, le Britannique Sir Ian Kershaw est considéré comme l'un des meilleurs historiens de Hitler. En 1999, il a publié une biographie en deux volumes du maître du Troisième Reich, qui a connu un grand succès international. Voilà. Alors, une question obsède l'Allemagne et l'Europe depuis 80 ans. Comment un peintre raté, sans fortune ni éducation, un marginal désaxé, incapable d'entretenir une relation humaine stable, a-t-il pu prendre le pouvoir dans l'un des États les plus avancés du monde, sans la complaisance, puis la complicité d'une partie de l'élite allemande, écrivez-vous dans votre monumentale biographie de Hitler, rien n'aurait été possible. Pourquoi ? Alors, de 1919, tout a commencé. Quand tout a commencé en 1933, nombre de responsables politiques, judiciaires ou militaires auraient pu stopper la carrière du futur dictateur. Mais la plupart n'ont même pas essayé. Puis, beaucoup l'ont favorisé, pensant qu'il pourrait en tirer profit. Alors voilà, il y a 4-5 pages, hein, je ne vais pas tout vous lire. Qu'est-ce que Maher a pu faire à Hitler ? Hitler est d'abord envoyé pendant une semaine à l'université de Munich suivre les premiers cours d'instruction anti-bolchévique. Il s'initie notamment à la finance internationale auprès d'un certain Gottfried Feder, un économiste qui prétendait distinguer le capital productif du capital rapace qu'il associait aux Juifs. Feder deviendra l'expert économique du jeune parti nazi. Maher dépêche ensuite Hitler dans une caserne comme instructeur politique auprès d'anciens prisonniers de guerre jugés peu fiables. Là, tous, Hitler le premier, découvre les talents d'orateur hors du commun du caporal. C'est un tribun né qui, par son fanatisme et son style populiste, captive l'attention et oblige à penser comme lui, est-il écrit dans un rapport militaire. Il attire aussi l'attention par son antisémitisme particulièrement virulent. À un auditeur de sa conférence qui voulait des détails sur la question juive, il plaidera dans une lettre le 16 décembre 1919 pour l'éloignement de tous les Juifs. C'est le premier texte connu de Hitler sur ce thème qui sera au cœur de sa pensée politique jusqu'à la fin. Alors pensée, il faudrait peut-être trouver un autre mot que pensée, parce que là, attribuer le mot pensée à une pensée rudimentaire comme celle-là, c'est pas une pensée. Hein ? Ah, en tout cas, c'est comme infiltré de l'armée que Hitler que prend sa carte du futur parti nazi. C'est comme infiltré de l'armée que Hitler prend sa carte du futur parti nazi. Voilà, au nombre de ces riches convertis de la première heure, on trouve un diplômé de Harvard, rejeton d'une grande famille de marchands de tableaux, un éditeur en vue ou un célèbre fabricant de pianos. Des mécènes qui feront les fins de mois du parti pendant plusieurs années. Ernst Röhm, le futur tout-puissant patron des SA, section d'assaut, joue aussi un rôle crucial devant ses premières années. Et il sera flagué par Hitler lui-même. Oui, on peut même dire qu'après Maher et Eckart, il est le troisième accoucheur, entre guillemets accoucheur, de la carrière de Hitler. En 1919, quand il adhère au futur parti nazi, cet ancien officier est une figure centrale des groupes paramilitaires ultranationalistes qui pullulent alors en Bavière. Grâce à lui, Hitler réussira en quelques années à fédérer ses forces éparpillées sous sa bannière, ce qui lui donnera une puissance formidable. Röhm, qui a de très bons contacts dans le Reich Wehr, aidera aussi le parti nazi à acheter son propre journal grâce à des fonds de l'armée allemande. Cette année-là, profitant de la crise politique causée par l'hyperinflation et l'occupation de l'Arbour par la France, hyperinflation, en France, il y a 6 millions de chômeurs et il y a une hyperinflation. Et l'occupation de l'Arbour par la France, Hitler fomente à Munich un putsch contre le gouvernement central. L'affaire se solde le 9 novembre 1923 par la mort de 20 personnes, dont 4 policiers. Pourtant, Hitler bénéficie d'une grande mansuétude de la part des autorités bavaroises. Pourquoi ? Trop de personnalités locales, dont un membre de la Cour suprême de Bavière, avaient vu d'un bon œil la tentative de coup d'État. L'armée bavaroise s'était associée à la formation des groupes paramilitaires qui, derrière Hitler, avaient essayé de prendre le pouvoir, et des responsables politiques de premier plan étaient mouillés. Les autorités font donc tout pour limiter les dégâts, et en particulier pour que le procès Hitler se tienne à Munich et non ailleurs dans le pays comme cela aurait dû être le cas. Comment se déroule ce procès ? C'est une mascarade. Le juge est de tout cœur avec Hitler. Il lui laisse la parole pendant 4 heures. Et l'accusé peut accuser ses coéquipiers lui-même. La sentence, incroyablement légère, fait bondir jusque dans les milieux conservateurs, malgré la mort de 4 policiers et d'importants dégâts dans Munich. Le juge condamne Hitler à 5 ans de prison seulement. Et encore, se garde-t-il bien de rappeler que sous le coup d'une condamnation avec sursis en 1922 pour trouble à l'ordre public, Hitler devrait purger une peine plus longue. De même, le juge n'expulse-t-il pas le chef putschiste en Autriche, que Hitler a pourtant fui en 1913 pour éviter les services militaires ? Ce n'est pas tout. Hitler est libéré très vite, au bout de 13 mois seulement, d'une captivité les plus agréables, pendant laquelle il a pu écrire le premier tome de « Mein Kampf ». Eût-il été contraint d'accomplir toute sa peine, près de 4 ans de plus, l'histoire aurait fort probablement suivi un autre cours. Voilà, alors il y en a encore d'autres pages, mais ce sera pour une autre fois, hein, bien sûr. Bonne année, quand même.